Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? Ça fait une semaine qu'on vit les championnats du monde 2025 à Paris. On a énormément de choses à vous dire, donc je vais pas patienter plus longtemps. C'est parti pour un nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Et je suis, comme d'habitude, avec Benoît, en chair et en os, pour une fois, donc pas comme d'habitude. Salut Benoît. Salut, ouais, bonjour à tous. Benoît, je sais pas par où commencer. On enregistre ça, en tout cas le début de cet épisode, alors que les finales ne sont pas encore tout à fait terminées. On est très fatigué, mais aussi très très heureux. Je pense que c'est un bon mélange de ce qu'on ressent là. Ouais, c'est un très très bon mélange. Beaucoup de fatigue forcément, mais beaucoup de fierté aussi de d'être là et de on se rend compte de la chance qu'on a. On espère qu'on va vous faire un peu revivre cette semaine à travers cet épisode. J'espère qu'on le fera au mieux. On va vous faire revivre cette semaine, on va vous faire à peu près comme d'habitude, avec beaucoup plus d'infos. On a des stats, on a vu quasiment tous les matchs. Commencer, on va faire dans l'ordre des finales et donc commencer par le double mixte, le titre mondial de Cento. Si on nous avait dit ça il y a 2 mois, je pense que je n'y aurais pas cru. Cento, les Malaisiens, victoire 21-15, 21-14 contre Zhang Wei, les Chinois. Benoît, alors il y a beaucoup de choses, on va peut-être commencer par le match et après parler de tout ce qui est émotion, tout ce qui est statistique, etc. C'était un match extrêmement moyen avec, je dirais, des Malaisiens qui, comme la veille, on va en parler, en sont pas vraiment responsables, juste qu'ils ont des adversaires, en l'occurrence Zhang Wei, qui sont passés à côté. En fait, il y a eu quasiment aucun échange très très long, mais je dirais que ceux qui sont restés maîtres de leur nerf et de l'événement, c'est peut-être pas par hasard ceux les plus âgés, les plus expérimentés, Cento. Ouais, on va en reparler, hein, mais on peut pas dire qu'on s'est régalé. On peut même dire qu'on a eu une finale mondiale quand même assez triste et pauvre en termes de qualité de jeu. Mais voilà, une finale mondiale, ça se gagne. On s'en fout de comment on jouait chacun. Tout ce qu'on retiendra, c'est les champions du monde. Et les champions du monde, ils sont malaisiens. Honnêtement, au vu de la semaine, ils ont fait le job. C'est leur. On pouvait se poser la question avant la finale, mais ils ont parfaitement géré les moments chauds. Ils ont jamais vraiment eu ça à gérer dans leur carrière. Et le moment où ça arrive, ils ont été bon, en tout cas meilleur que les Chinois. Ouais, et puis Benoît, pour remettre un peu de contexte, si vous nous écoutez pas tout le temps ou suivez pas le badminton mondial toutes les semaines, ce qui peut se comprendre, il y a quelques mois, séparation de Cento qui a fait une très bonne année 2024 avec une finale au World Tour Finals, séparation il y a 2 mois avec To qui avait dit un mot pas du tout couvert. Et ça a été beaucoup repris en Malaisie, qu'elle n'était pas satisfaite de son partenaire, en fait, qu'elle trouvait pas à son niveau, ce qui peut, on va dire, s'entendre. J'ai toujours l'impression qu'elle, elle est meilleure que lui, en tout cas qu'elle apporte plus, mais voilà, elle avait pas été très, très cool. Du coup, ils avaient été séparés pendant un temps, mais avant même qu'ils jouent officiellement en tournoi avec leur nouveau partenaire, ils avaient été remis ensemble. On va retracer un peu leur semaine tout à l'heure, mais voilà, leur cote, elle était énorme. On sait que c'est une bonne paire, capable d'un très bon niveau de pointe. Mais Benoît, ce qui est dingue, c'est que le niveau de pointe qu'ils nous ont montré, notamment fin 2024, je l'ai même pas vu cette semaine. Ils ont juste été meilleurs à chaque fois que leurs adversaires. Ouais, c'est exactement ça. En plus de ça, on se le disait, mais ils ont jamais vraiment prouvé qu'ils étaient capables de gagner ce genre de tournoi. On a vu qu'ils pouvaient être la troisième, quatrième paire meilleure du monde, mais jusque-là, ils avaient jamais gagné un 750 ou mieux, quoi. C'était un titre en 500. T'as parlé de cette finale aux finals, mais elle a été perdue. Et surtout, on en a beaucoup rigolé cette semaine, et tu le disais à juste titre, on a l'impression que depuis qu'ils rejouent ensemble, Chen, il surjoue toutes les scènes de leur partenariat, donc on est quand même assez surpris finalement. Oui, alors même avant de gagner ce titre, on va dire que devant les caméras, ils étaient un peu en opération rachat. Enfin, moi, c'est un peu le sentiment que j'en avais. Ils surjouent un peu la complicité et voilà. Alors qu'on sait que ça a été compliqué entre eux. Et pour revenir sur leur semaine, ils étaient tête de série 4, donc ils étaient assez protégés. Ils ont battu, on va dire sur leur parcours, deux têtes de série au début. Hidayula, Pasaribu, les jeunes Indonésiens en 3-7, où là ils étaient menés 7-0, ça a été plus facile en quart de finale contre les Indiens Kapila Krasto. Ils battent Tom et Delphine, on va en reparler après, en demi-finale. Ça a été un parcours, Benoît, voilà, c'est difficile de les juger parce que je trouve qu'ils n'ont pas été brillants, mais ils ont été très bons, et surtout une maîtrise des nerfs, ce qui compte peut-être plus que tout autre dans ce championnat du monde. On l'a vu dans les 5 tableaux, une maîtrise des nerfs impressionnante. En fait, t'as tout dit, c'est que être brillant, c'est bien. Être champion du monde, c'est mieux. Ils n'ont pas eu besoin d'être brillants pour être champion du monde, donc... Oui, ok, on pourra juger de la qualité de leur tableau, mais tout ce qu'on retiendra dans 10 ans, c'est que Bachento, ils ont été les premiers Malaisiens champions du monde en double mixte. J'ai envie de te dire, point final. Ouais, Benoît, c'est ce qu'on disait, on s'est dit dans la semaine, c'est que notre sport, on a la particularité que le champion du monde, c'est pas celui qui a été meilleur toute l'année, par exemple comme en Formule 1 ou comme je sais pas, c'est même pas sur un mois comme au foot, par exemple, c'est celui qui a été meilleur sur une semaine et qui est finalement un tournoi comme les autres, en fait. Donc, il faut être meilleur sur cette semaine. Bah, tout à fait. On peut peut-être dire un mot de Zhang Wei, mais on se disait avant, on a regardé, ils vont devenir numéro un mondiaux. En fait, peu importe le résultat de la finale, mais ils allaient devenir numéro un mondiaux. Finaliste de 2000, vainqueur de 2750. Bah, c'est plus que toute la carrière de Chento, mais ça fait pas de toi un champion du monde quand le jour J, bah, t'es à côté de la plaque ou pas très loin, on peut le dire. Oui, c'est ça. Et Benoît, finalement, Zhang Wei, ils sont encore assez jeunes, donc ils auront d'autres occasions. J'en doute pas, mais c'est vrai que ils nous ont montré. Alors Chen, elle est jeune aussi, donc en fait, finalement, ils ont pas tant d'écart avec eux. Ouais. Avec eux, mais on a l'impression que ils ont peut-être été couvés un peu plus longtemps par la Chine, et on a l'impression que ils étaient peut-être pas mûrs. Pas assez, j'allais dire exactement ça. Pas assez mûrs pour cette finale, même si ça s'est pas beaucoup vu cette semaine. Ils ont été mis en danger, mais ils ont jamais semblé frileux ou friables. Mais voilà, il y en aura d'autres, mais ça reste une déception quand même sur cette finale Zhang Wei. Oui, parce que moi le premier, nous les premiers, je pense qu'on les voyait quand même grands favoris, même avant cette semaine, on l'avait déjà dit, on les voyait au moins en finale. Et jouer à ce niveau-là en finale mondiale, ouais, on a le droit, je pense, d'être déçu. Benoît, on va passer sur Tom et Delphine, et après, parce qu'on est obligé d'en parler, et après on reviendra sur les autres, parce que l'histoire du badminton français a été écrite. D'ailleurs, vous avez peut-être vu nos vidéos passer tous les jours, et parfois deux fois par jour, on en a déjà un petit peu parlé, mais Tom et Delphine, ils arrivaient sur ces championnats du monde sans beaucoup de repères, une année 2025 qui est très compliquée pour eux, un arbre assez imposant pour cacher la forêt, c'est-à-dire leur victoire à l'Indonesia Open en juin dernier. On savait pas trop à quoi s'attendre avec eux. On se doutait que le public pouvait jouer en leur faveur. Premier tour passé tranquille. Alors, ils ont pas joué de premier tour. Deuxième tour passé tranquillement contre les Brésiliens Farias Lima, 21-9, 21-15. Et derrière, ça rentrait déjà un peu dans le dur. On pensait qu'ils allaient jouer les Malaisiens Uptong Sujarik Praparat. Finalement, c'est les Taïwanais Ye Chan qui se sont dressés sur leur chemin, 19e mondiaux, pardon. Et victoire des Français, 19-21, 21-14, 21-17. Benoît, un premier set qu'ils ont perdu alors qu'ils ont beaucoup mené, on a trouvé ça un peu sévère. Derrière, dans le troisième, ça a été très serré. Il me semble, je me demande si ça fait pas 17-17 avec des Taïwanais très très tendus qui leur donnent 2-3 points. Là, pour le coup, Benoît, un peu comme on disait avec Chento, et ça n'a pas été le cas pour tous les tours de Jekyll Delru, mais pour moi, la pression, elle était plus sur eux que sur les Taïwanais. Ils ont été un peu tendus, mais pourtant, c'est eux qui ont été clutch au moment où il fallait. Alors, pas en fin de premier set, mais ce qui compte, c'est la fin de match. Ouais. Et là, ils ont été beaucoup plus solides que leurs adversaires. Et en vrai, Benoît, je finis, et pardon, c'est un peu long avant de te laisser la parole, mais ça aurait été un peu... Je trouve que dans le jeu, ils étaient meilleurs. Voilà. Ouais. Pour moi, sur le terrain, ils étaient meilleurs. Et ils auraient pu perdre ce match parce que tu gagnes pas toujours quand t'es meilleur. Mais là, je trouve que c'était assez logique de les voir s'imposer. La logique a été respectée parce qu'aussi, ils ont progressé, je trouve, dans des compartiments où cette saison, et globalement depuis plusieurs mois, on leur reproche des petites erreurs dans les money time. Mais pourquoi ? La qualité de service, notamment, on l'a souligné à plusieurs reprises avec pas mal de monde cette semaine, c'est que globalement, les deux, hein, je les mets dans le même panier. Il y a eu beaucoup moins d'erreurs de service, d'erreurs même de manière générale, de fautes non provoquées. Il y en a eu beaucoup moins cette semaine dans ce match, dans le suivant. On reparlera évidemment de la demi-finale, mais je partage quand même ton constat de dire que, à mon avis, dans le jeu et globalement, Ye Chan, c'est une paire inférieure à Tom et Delphine. Ensuite, un autre gros test face aux têtes de série 12, Cheng Zhang, les Chinois. Ils avaient sorti la veille Christian Senboyeux, dont on va également reparler. Benoît, victoire des Français, 21-19, 21-18. Un match très tendu. On n'a pas vu beaucoup de... Quasiment, on faisait la réflexion, ce match, il s'est joué quasiment entièrement sur le mi-court. avec une Delphine Delru qui, je trouve, raquette basse au filet, c'est un peu fait manger par sa vis-à-vis Zhang. Par contre, raquette haute dans les défenses et dans le drive, je trouve qu'elle a été pour le coup bien meilleure. On a vu un très très bon Tom Jiquel aussi sur ce match. On a l'impression d'avoir vu le Tom Jiquel d'il y a quelques années qui réussit tout ce qu'il fait, qui est très très inspiré. Ça a été vraiment un plaisir de les voir évoluer comme ça. Et voilà, victoire 21-19, 21-18. Qu'est-ce que tu on a vu énormément de matchs, mais qu'est-ce que tu retires de celui-ci? Que Tom et Delphine, ils ont, tu as parlé de Tom et je trouve ça très juste. On a retrouvé le Tom très inspiré globalement dans ses choix tactiques, que ce soit surtout en attaque, même basse, les fixations et tout. On a retrouvé un peu ça en finale de l'Indonesia Open. On l'avait dit, c'était vraiment spécifique à cette finale. Et sinon, Tom, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu jouer en confiance comme ça. Dans ce match, on a un peu retrouvé ça. Je pense que beaucoup ont peut-être été déçus de la qualité de jeu. On aurait aimé, on se le disait, il nous manque des stats dans le bad et on aurait aimé savoir combien de points avaient été joués entre le micro et l'avant du court, parce que peut-être que beaucoup de gens se sont animés sur ce match. C'était pas un match ultra spectaculaire. C'est resté très tactique, très fermé. Mais aussi voulu par les Chinois, j'avais l'impression que les deux avaient la même stratégie. Et bah, les Français s'en sont mieux sortis, les Français ont fait moins de fautes, ont moins donné, ont mieux tenu le jeu à plat. Ils ont aussi réussi à sortir Delphine de situations difficiles, ils étaient dominés dans certains secteurs du jeu, et ils s'y sont pas trop retrouvés. Pour moi, c'est une victoire... elle est difficile parce qu'il faut, tu vas chercher une médaille mondiale et que t'es à domicile et tout, mais franchement, ils ont été ultra solides. Ouais, pas grand chose à rajouter. C'est vrai que si ça avait pas été un match de Français, je pense que dans la salle, la déception se serait fait entendre. Mais là, on va dire que le contexte était peut-être plus important encore. Donc, on leur en a pas voulu. Et c'était vraiment sympa de les voir accomplir ça. Et tu l'as dit, ils décrochent à ce moment-là la médaille de bronze. Et on va d'ailleurs écouter leurs impressions après ce match. Super heureux. C'était un moment dingue. Qu'on se souviendra toute notre vie, mais rapidement on passe à déjà demain. Il faudra profiter parce que c'était un moment fort, mais c'est pas fini. On était quand même tendus, on sentait vraiment la tension sur tous les points, mais on a essayé vraiment de bien communiquer à deux, de rester solide et solidaire, de vraiment faire des choix forts, c'était le but aujourd'hui. Et on l'a fait dans les moments un petit peu moins bien, donc on est content de ça. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut rester dans sa bulle pendant tout le match. T'essayes de profiter, prendre l'énergie, mais il faut se concentrer sur ce qu'on a à faire. Et quand le dernier point, on passe à 21, là c'était l'extase. On pouvait enfin tout lâcher, arrêter d'être concentré, et c'était assez extraordinaire. Pouvoir partager ça avec beaucoup de monde, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui regarde aussi à la télé. Je trouve ça dingue de pouvoir rendre fiers les Français, les fans de badminton. Et j'espère que ça va continuer. Benoît, demi-finale contre Cento, un match qui a eu pas mal lieu quand même ces derniers mois. On le savait, en plus, petite dédicace à Richard qu'on a pas mal côtoyé cette semaine et qui nous disait ça. Ces deux pairs qui se sont pas mal entraînés ensemble, qui s'entendent très bien, qui se connaissent très bien. Ouais. Moi, je voyais en termes de niveau un léger défaveur des Français et ils se sont finalement inclinés en demi-finale contre Cento, 21-18, 21-16, victoire des Malaisiens. Benoît, c'est le moment où on paraît peut-être un peu sévère et après on reçoit des messages privés de gens qui sont pas d'accord avec nous, mais on trouvait ça limite assez flatteur pour les Français, ce score, on peut le dire. Ils ont pas démérité, ils sont pas passés à côté de leur match. On a quand même senti qu'ils étaient très tendus. Ça a été un match un peu comme la finale, globalement décevant, on peut le dire. Après, c'est peut-être la technique de... Enfin, c'est peut-être là où sont forts aussi Cento, c'est d'arriver à tuer un peu le jeu pour rester devant, mais on va dire que Cento, ils ont même pas été excellents, quoi. Ils ont été très très propres. Et finalement, les Français ont fait beaucoup de fautes. Ils ont été tendus. Ils ont jamais réussi à prendre le jeu à leur compte. Delphine Delru s'est retrouvée à jouer un nombre de volants sur l'arrière du court beaucoup trop important pour une paire de mix, surtout pour cette paire-ci. Avec une joueuse, on le sait, Delphine Delru, c'est pas son truc. Elle en a quand même raté beaucoup. Et les Malaisiens, ça l'avait très bien compris. Et voilà, 18 et 16, c'est malheureux, mais c'est logique. Juste trop de fautes. Et globalement, en fait, on va juger du score. On se l'est dit, c'est un peu flatteur pour Tom et Delphine, parce que dans le contenu, en vrai, il y avait une classe d'écart sur ce match-là. Même si, pareil que toi, je pense que Cento, leur niveau de pointe, il a été meilleur que celui qu'on a vu de Tom et Delphine, et leur niveau moyen aussi. Donc c'est pas un scandale, mais il y avait la place. Cento, tu l'as dit, ils n'ont pas fait un match de fou. Ils ont juste fait moins de fautes avec un plan tactique un tout petit peu mieux appliqué. Mais honnêtement, on s'est pas régalé. Pareil que sur la finale, sur une demi-finale mondiale. encore une fois, on dit qu'on manque de stats, mais j'aurais bien aimé connaître le nombre de fautes non provoquées et des deux côtés. S'il y en a eu énormément du côté de Tom et Delphine, mais il y en a eu aussi du côté de Chento, moins. C'est ce qui a sans doute fait une différence, mais on s'est pas régalé, et finalement, à celui qui en a fait le moins, qui a légèrement mieux appliqué son plan de jeu, qui s'en est sorti. Benoît, malgré tout, médaille historique. Ouais, historique. La première médaille française depuis alors pour du double, la deuxième dans l'histoire. La première, c'était Ong Yanpi en 2009 en simple dame. Benoît, un peu, c'est très difficile. Du coup, on se disait au début de la semaine, si les Français font une médaille, ils sont en train de nous sortir la saison la plus difficile à analyser de l'histoire, parce que ils sont vraiment pas incroyables sur le circuit, mais ils vont quand même te chercher un super 1000, et là, Benoît, une médaille mondiale. Et le pire, en plus, Benoît, c'est que sur cette semaine, il n'y a pas scandale, parce que pour moi, ils ont été vraiment bons, donc il faut encore les féliciter, mais c'était un peu impronosticable, même si toi, tu m'en avais déjà un peu parlé, allez, je veux dire, difficilement pronosticable au début de la semaine. Ouais, mais c'est à l'image de leur saison, parce que il y a la finale européenne, on en a pas parlé, mais ça reste une finale européenne, je sais ce que beaucoup vont dire, mais c'est une déception quand même, la qualité de cette finale. Il y a le titre en Indonésie, il y a une mondiale. Quand on jugera leur post-carrière, en termes de palmarès, ce sera enfin, je leur souhaite que non, mais ce sera probablement leur plus belle saison en carrière en termes de palmarès. Pourtant, en termes de niveau de jeu, ils ont montré tellement mieux sur une saison. C'est ça qui est dur à analyser. Après, on a vu des bons matchs cette semaine. Est-ce qu'on a vu les meilleurs matchs de Tom et Delphine? Je pense qu'ils ont déjà été bien meilleurs que ça. Tout à fait. Voilà, maintenant, Benoît, on espère que cette médaille, juste pour terminer sur Tom et Delphine, va encore leur donner confiance, en fait, et les pousser à refaire ce genre de choses, parce que on va en parler tout de suite, Benoît, mais dans le mixte actuel, il y a la place pour aller chercher des titres. On l'avait dit d'ailleurs, quand Zheng Wang ont pris leur retraite, notamment, on va dire, ça va laisser un peu de place. Les deux paires chinoises qui restent là, les deux meilleures surtout, ce qui n'ont pas été les deux meilleures cette semaine, elles prennent pas tout. Il y a de la place. On l'a vu cette année. Là, il y a une médaille. Il y a eu un titre en Indonésie. Je pense que Tom et Delphine, ils peuvent encore arriver à se faufiler. On aimerait juste que, voilà, ils soient une paire de leur niveau. Ils devraient être quasiment en quart de finale tout le temps, en fait. Bah, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de la quatrième paire médaillée. Mais finalement, c'est une paire chinoise qui tire son épingle du jeu, mais une paire chinoise qu'on n'attendait pas, en fait. Donc oui, il y a la place. Oui, clairement. En fait, ils sont pas infaillibles. Ces deux paires chinoises, c'est pas Zheng Wang et Wang Wang d'il y a 2, 3, 4 et 5 ans. Parlons-en, Benoît, des derniers médaillés. Vous savez, ou peut-être pas d'ailleurs, mais au Mondiaux, contrairement aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de match pour la troisième place, ce qui fait qu'il y a deux médaillés de bronze dans chaque tableau, deux paires là en l'occurrence. Benoît, Guo Chen, les Chinois, ils étaient tête de série 7, donc on les attendait pas forcément sur ce podium. Ils ont battu notamment Chen Su, les Taïwanais, une autre paire taïwanaise, Yang Hu, puis Midorikawa Saito, et on a vu, Benoît, que ça devenait quand même très très sérieux, hein, parce que première victoire 14 et 12, deuxième victoire 13 et 10, troisième victoire 14 et 9 au moment d'arriver en demi, et pourtant ça s'arrête en demi contre Zhang Wei, mais on a cru que ça ne se passerait pas comme ça, hein, puisque Guo Chen, ils ont remporté le premier set de cette demi 21-11, derrière ils s'inclinent 23-21, 21-18, Zhang Wei qui était les meilleurs sur le papier, mais qui ont dû s'employer pour battre leur compatriote Benoît, et ouais, ça a été très très chaud, surtout en fin de deuxième. Et Guo Chen, en vrai, on les a déjà vus très bien jouer, notamment ils ont remporté le All England cette année, un peu comme dire qu'ils ont un peu le même profil que Tom et Delphine finalement, parce que au-delà de ça, ils font pas une excellente saison, mais là, sur ce match-là et même sur cette semaine, ils sont arrivés à un niveau très très très élevé. Ouais, après Guo Chen, on a plus de mal aussi à analyser, c'est un tout début de carrière pour eux. Certes, ils gagnent le All England, mais en fait, ça, sur le circuit, ça fait à peine 6-12 mois qu'on les voit, donc c'était plus dur de les voir venir. C'est aussi parce que on a parlé de Guo Chen, on a parlé de Tom et Delphine, mais parce qu'en fait, il y a des paires qui ont failli. La fameuse place dont tu parles, elle est laissée parce qu'il y a des paires qui n'ont pas assumé leur statut. Et Guo Chen, ils ont eu putain de niveau toute la semaine. Pour le coup, je dirais que eux, on a vu leur meilleur niveau toute la semaine. Alors en demi, ça n'a pas suffi face à un Jiang Zhengmang en demi qui a été monstrueux sur le deuxième et le troisième. Mais honnêtement, ils ont atteint un très très bon niveau de jeu. Benoît, on va parler maintenant des paires qui auraient peut-être dû aller plus haut et qui ont laissé la place. En l'occurrence, on va commencer par les têtes de série, les numéro 1, ex-numéro 1 mondiaux, maintenant Feng Wang, qui se font sortir dès le deuxième tour, donc dès leur premier match face à Christiansen Poyeux, les Danois, qui n'avaient joué qu'à Macao cette semaine, et là, qui avant cette semaine, pardon, pour cette saison, et qui les battent 14-21, 21-13, 21-18. Et Benoît, le mot qui me vient en parlant de ce match, c'est logique finalement, logique parce que les Danois ont été meilleurs, on n'a pas vraiment reconnu les Chinois. Ma théorie, je te disais un peu pendant le match, c'était il faut les battre maintenant ou il faut les battre en toute fin de finale, mais il faut les prendre vite. Christiansen Boyeux avait joué déjà sur la veille et ouais, j'ai trouvé que finalement c'était très très logique. Cette défaite des Chinois, elle fait mal pour ouais. Feng Wang, mais ils sont les seuls responsables finalement. Et je peux pas sortir Feng, parce que c'est souvent lui qu'on sort sur ce match, parce que Wang a été au niveau non plus. Non, elle a surtout pas été au niveau. En fait, elle prend une telle place que quand t'arrives sur un championnat du monde, un premier tour, quand une paire qui t'a battu au dernier championnat du monde, t'es Wang Dongping. En fait, personne te pardonnera ce genre de performance. Donc taper sur Feng. Très bien, pas de problème. On a toujours dit que c'était probablement le maillon faible. Mais quand Wang Dongping, elle sort un match de ce niveau-là, sur son entrée en championnat du monde, bah, c'est non. Alors, elle a pas été nulle, complètement. Mais pas au niveau de l'événement. Et en face, les responsables, moi, je trouve que c'est eux, c'est que Christiansen Boyeux, ils ont fait un match XXL, pour encore sortir, Feng Wang du championnat du monde. Et derrière, ils perdent 23-21, 21-12 contre Cheng Zhang, la paire que Tom et Delphine vont eux-mêmes battre plus tard. Ouais. On peut remercier les Danois quand même pour avoir un peu nettoyé le tableau pour les Français, Benoît. C'est un peu ça, le syndrome de battre des favoris a encore frappé pour Christiansen Boyeux. Je suis un peu déçu parce que je pensais que pour le coup, c'était pas juste un coup d'éclat. Je pense que la paire reviendra, mais je pensais qu'ils étaient capables d'aller plus loin dans ce tableau. Et en tout cas, Benoît, les Danois, s'ils restent à ce niveau-là, on a hâte des prochains championnats d'Europe parce que là, ouais, ils auraient eu un niveau très très intéressant. Ouais. Benoît, on va aller vers les têtes de série 3, Poivaranoukro, Paysampran, qui on se demandait un peu ce que ça allait donner, mais beaucoup en faisaient des médaillés, voire des finalistes, donc c'est intéressant de parler d'eux, parce qu'ils font aussi une très bonne saison. Ils gagnent leur premier match, et ils sont sortis en huitième de finale contre Midorikawa Saito, tête de série 9, les Japonais, alors que pourtant les Thaïlandais avaient pris le premier set 21-8, derrière ils prennent 21-19, 21-16, Benoît, et on se demande bien ce qui s'est passé. En fait, on le sait, c'est juste que les Thaïlandais, comme Poivaranoukro l'a été en double homme, on va en reparler, mais moi je pensais qu'il avait perdu en double homme pour se réserver pour le mix. Mm-hmm. Et en fait, il s'avère qu'il a perdu en double homme parce qu'il n'était pas dans sa semaine, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Très déçu parce que pour le coup, lui, il a déjà gagné les championnats du monde, il sait faire. Vraiment déçu du niveau de jeu. Donc, franchement, je te le disais, mais je suis pas sûr d'avoir vu un match aussi mauvais de Poivaranoukro pas s'en prendre depuis le début de la partenariat, ça arrive au championnat du monde. Ouais, ça fait mal aussi pour nous parce que bah on aurait aimé les voir en demi-finale face aux meilleurs pairs mondiaux, notamment Zhang Wei. Maintenant, pas grand-chose à rajouter. Le niveau était pas au rendez-vous. Et Benoît, on va finir avec le bas du tableau. On va évidemment vous parler de Julien Maillot et Léa Palermo tout en fin de tableau. Pour les autres paires de têtes de série, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Gola, ils se font sortir par leur compatriote Wu Cheng 21-17 au troisième. Bon, c'est assez surprenant, mais c'est pas non plus voilà, je suis pas tombé de ma chaise. Pour moi, je suis pas tombé de ma chaise, Benoît, quand j'ai vu Golay s'incliner, surtout contre des compatriotes. On peut parler de Tuff Magelung aussi, qui ont plutôt fait une bonne perf en battant Li Shai qui était quand même tenante du titre avec Seo, 19 et 16 en 16e de finale. Derrière, ils perdent en 8e contre Zhang Wei 15 et 11. Voilà. Voir Golay ou Tuft Magelung perdre un peu avant, enfin dans les premiers tours, c'est pas non plus une énorme surprise pour le coup. Non, exactement, je partage totalement ton analyse sur ces paires-là. Pour finir, peut-être sur le mixte, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Julien Maillot, Léa Palermo, qui eux avaient un premier tour à jeu puisqu'ils n'étaient pas tête de série très logiquement, contre les Thaïlandais Tera Tsakul et Muen Wong, ils étaient un peu devant au ranking, mais on attendait un match plutôt équilibré. 21-14 pour le premier set pour les Français, malheureusement derrière ils perdent 21-13, 21-14. Benoît, moi j'ai pas l'impression d'avoir vu les Français s'effondrer, mais plutôt des Thaïlandais qui sont mieux rentrés dans leur match. Et ensuite, ben voilà, c'est un peu peut-être dur de dire ça, mais ils étaient un peu dépassés les Français. J'ai l'impression qu'ils sont juste tombés face à meilleur finalement. Ouais, ils ont élevé leur niveau de jeu dans les deuxième et troisième, honnêtement, assez logique, j'ai envie de te dire, sur ce qu'on a vu. Malgré l'ambiance, ils ont jamais lâché. On n'a pas parlé de l'ambiance encore avec les Français, mais ça a été fou avec Tommy Delphine, on l'a même pas dit. Mais ça a été aussi fou pour le match de Léa et Julien. Il y a eu des points de fou, mais honnêtement, c'était insuffisant. Moi, j'ai eu l'impression qu'ils avaient eu beau tout tenter et franchement, faire un très bon match, c'était un cran au-dessus. Est-ce que tu veux rajouter, Benoît, quelque chose sur ce double mix? Je pense qu'on a un peu tout dit. Peut-être dire que dire que c'est le premier titre malaisien de l'histoire des championnats du monde. On l'a, deuxième médaille. On l'a même pas dit. Voilà, c'est que deuxième médaille en mixte, évidemment première médaille française. Voilà, et deuxième paire chinoise qui perd d'affilée en finale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce double mixte? J'ai pas le chrono sous les yeux, mais je pense qu'on en a déjà bien parlé. Allez, on file tout de suite vers le simple dame. I'm the bad guy. Take that. Double dame. Finale entre Chen Yufei et Akane Yamaguchi, remake de la finale de l'avant-dernière. Voilà, de 2022 entre les deux mêmes joueuses, remportée à l'époque par Yamaguchi, remportée encore cette fois par Akane Yamaguchi 21-9, 21-13. On peut pas parler, Benoît, de ce match sans parler de ce qui s'est passé hier pour Chen Yufei. On va reparler de ce match, mais qui s'est tordu la cheville. Elle a quand même gagné contre Han Se-young et on savait pas à quel niveau elle allait arriver là. Benoît, il y a deux choses. Il y a Chen Yufei qui manquait assurément de mobilité, qui a eu du mal à avancer aussi, on va dire, aussi vite que ce qu'elle fait d'habitude. En face, il y avait une Akane Yamaguchi qu'on n'a pas vue à ce niveau depuis très longtemps, qui aurait peut-être battu une Chen Yufei à 100%, qui aurait peut-être battu une Han Se-young à 100%, on ne sait pas. Voilà, il y a deux choses. Mais en tout cas, le niveau de Yamaguchi, je ne veux pas que tout ce qu'on se souvienne de ce match, c'est que Chen Yufei était blessée. Parce que franchement, en face, il y avait une joueuse qui, sur ce match, comme sur cette semaine, a réussi le coup parfait. Ouais, on l'a très vite vu, tu l'as très vite vu. Yamaguchi, on s'est dit, waouh, ok, le niveau qu'elle produit dès le début de la semaine face à des joueuses moins fortes, on s'est dit, elle a prépa fonctionné, Yamaguchi, elle est en forme. Est-ce qu'on savait qu'il se passe comme ça? Non. Maintenant, on avait déjà dit, quand on la voyait aller chercher une médaille, on s'est dit, attention, ça peut vraiment être la grosse outsideuse, et ça l'a été, très clairement. Troisième titre mondial pour Yamaguchi, et moi, c'est ça que j'ai envie de retenir. Franchement, j'ai pas envie, et probablement que ce sera pas ça, parce qu'on parlera pas de la blessure de Chen Yufei dans 3, 4, 5 ans. 5 médailles mondiales, 3 titres. Le troisième, elle va le chercher honnêtement, au moment où on l'attend pas le moins, mais pas au moment où on l'attend le plus non plus. Franchement, exceptionnel le niveau d'Akane Yamaguchi cette semaine. Ouais, bronze en 2018, l'or en 2021, l'or en 2022, le bronze en 2023 et maintenant l'or en 2025. Benoît, Akane Yamaguchi qui égale Carolina Marin au record du nombre de titres en simple dame, puisqu'elle en a 3, tout comme l'Espagnol, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire par aucune autre joueuse. Pourtant, il y a eu des joueuses dominantes, mais comme ça, à ce point-là, jamais. Et Benoît, je sais pas si on peut parler peut-être de la Sané Yamaguchi. On savait pas trop, Benoît, dans quel état elle allait arriver, parce que ces derniers temps, on se disait, c'est un peu la meilleure des autres, c'est-à-dire qu'elle avait pour moi un pur niveau de cinquième mondial. De quatrième mondial. Allez, quatre ou cinq. On peut débattre parce qu'il y avait 3 chinoises. C'est-à-dire qu'il y avait 3 chinoises et une certaine coréenne devant. Pour moi, niveau de cinquième mondial. Du coup, on se disait, pour faire médaille, parce que je me souviens qu'avant la semaine, on parlait pas de titre pour Akane Yamaguchi, on parlait éventuellement de médaille, on s'est dit, il va falloir faire un petit peu mieux. Elle a fait éventuellement, beaucoup mieux. Ben non, moi, Akane Yamaguchi, d'abord, elle a joué contre une Australienne, puis contre Kim Ga-eun, la Coréenne. Des matchs que j'ai vus d'un œil, on va dire. Celui contre qui elle m'a impressionné, c'est contre Kate Tong, la Thaïlandaise, en huitième de finale. Elle remporte le match 21-11, 21-17. Et celui-là, je l'ai très bien vu et je me suis dit, ah oui, donc ça, c'est la Yamaguchi. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de voir la Yamaguchi qui a été double championne du monde. Le lendemain m'a un peu donné raison, puisqu'elle met 21-5, 21-19 à Anhui. Et Benoît, quand on avait vu le tirage, je m'en souviens d'ailleurs dans notre épisode d'analyse, on s'était dit, pour elle, Anhui, c'est le meilleur tirage parce qu'elle joue pas Chen Yufei en quart, elle joue pas Han Se-young en quart, elle joue pas Wang Zi en quart. Donc Anhui, ça va être vraiment le match pour la médaille. Il va sûrement être là. On l'a vu. Elle a surclassé la chinoise et là on s'est dit waouh, là c'est du très très sérieux. Elle bénéficie d'un tirage un poil favorable puisqu'en demi elle joue Potri Kusuma-Wardani qui était, je vais pas dire contente d'être là, mais qui a joué largement son match. Et là Akane Yamaguchi remporte le match 21-17, 14-21, 21-6. Donc oui, elle concède un set, mais derrière elle déroule tellement au troisième que on peut pas dire qu'il y a vraiment une énorme frayeur, surtout que Akane Yamaguchi c'est vraiment une joueuse qui a toujours l'air en maîtrise, hein, un peu comme Shiyushi. Il y a pas un mot de plus ou de l'autre, mais en fait il y a pas un mot tout court. Donc voilà, Benoît, elle a battu les joueuses qu'elle devait battre, et c'est un titre mondial qui, je sais pas la saveur qu'il a pour elle vis-à-vis des deux autres, mais ouais, très difficile de savoir puisqu'elle ne montre vraiment pas grand-chose. Mais pour moi, c'est même si elle a pas battu Han Se-young, elle a battu une Tian Yufei pas forcément en pleine possession de ses moyens, elle a pas battu Wang Zi. Pour moi, c'est pas du tout un titre au rabais. Je pense que sa préparation était parfaite et ça a payé. Ouais, pour moi, c'est ça en fait. Elle a jamais vraiment roulé sur le circuit. Par contre, elle l'a globalement dominé avec 2-3 autres joueuses. Cette année, on regardait les stats, mais c'est 0 finale sur le circuit à Kaneyama Uji, 0, genre pas une, même sur des tournois moindres. Donc, elle prouve aussi qu'avec une très bonne prépa, elle n'a pas été nulle cette saison. Mais tu as dit 4-5e mondial, elle, voilà, c'était à peu près son niveau. Et avec une très bonne prépa, elle prouve qu'elle est capable d'être là dans un très grand événement. Pour moi, c'est là la principale différence avec avant, où évidemment, elle était petite toute la saison et tout. Elle était capable d'être là au championnat du monde. Aujourd'hui, peut-être que sa carrière, elle est en train d'évoluer parce qu'elle peut pas rivaliser avec Han Se-young et Chen Yufei sur toute une saison, mais peut-être que sur une compétition ciblée, elle est capable avec une très bonne préparation dont je ne doute pas que le Japon soit quand même très capable. Et maintenant, Yamaguchi, juste un point en se demandant. Et après, on savait pas trop où sa carrière allait. Elle a 28 ans, ce qui paraît pas très vieux, mais en simple dame, on arrête de plus en plus tôt. Elle a un physique, un jeu qui use. Voilà, c'est ça. Donc, on se demande, et maintenant, tu vois, est-ce que tu la vois, petit aparté, mais est-ce que tu la vois pousser jusqu'à LA pour un titre qu'elle n'a pas, même une médaille qu'elle n'a pas, hein. Il me semble qu'elle a pas de médaille olympique à Kanae Yamaguchi. Est-ce que tu la vois pousser? Est-ce que, par exemple, je sais pas, est-ce que ça va être un fait isolé, ou alors est-ce que tu penses que sur le circuit maintenant il faudra compter sur elle pour aller chercher des titres, voir les mondiaux l'année prochaine? Qu'est-ce que t'en penses? Moi je l'imagine pas aller des gros titres sur une saison, très honnêtement. Alors il y a peut-être un ou deux titres par an, mais pas comme à l'époque, il y a quelques années. Les mondiaux, pourquoi pas, elle sera capable de cibler mieux ses événements. Maintenant je pense que ça va pas dépendre que d'elle. On a parlé de Riko Gunji ces derniers mois, on a parlé de Tomoko Miyazaki, même si elle marque un peu le pas. Nidaira, il y a une génération qui pousse au Japon. Ça va aussi dépendre de ça. Si Yamaguchi, elle a pas gagné sa place pour aller à LA, je pense que le Japon respectera ce qui s'est passé sur le terrain. Mais Benoît, est-ce que, bon, après on finit là-dessus, mais est-ce qu'elle a pas montré aussi qu'il faut encore compter sur elle et que la jeune génération japonaise, tout aussi talentueuse qu'elle soit, va pas la mettre à la retraite tout de suite, sauf quand elle l'aura décidé? C'est une bonne question. Elle a prouvé en tout cas qu'il faudrait compter sur elle et que si quelqu'un voulait la mettre à la retraite, il allait falloir gagner des matchs. Exactement. Benoît, impossible de parler de Simple Dame sans parler d'Han Se-young, puisque ne pas l'avoir en finale de ces mondiaux, c'est évidemment une énorme surprise. Pourtant, elle s'est baladée quasiment toute la semaine contre Clara Lasso, puis Yvonne Lee, puis Michelle Lee, puis Simu Jin, sa compatriote. Elles ont toutes pris à peu près la même de cette sec, très très sec. Et pourtant, qui s'attendait à la voir perdre contre Tian Yufei, alors que pourtant, elle avait perdu la dernière confrontation contre Yufei il y a quelques mois, il me semble que c'était en Indonésie ou à Singapour. À Singapour, je crois. Singapour, c'est ça, à Singapour et en Indonésie, elle avait abandonné contre Wang Zi. 21-15, 21-17, un premier set bien maîtrisé par la Chinoise, dans laquelle la Coréenne semble assez absente. Jusque-là, allez, c'est rare de voir Han Se-young prendre un set, mais je pense que personne a sonné l'alarme, parce que un match c'est très très long et on s'attendait à peu près tous à l'avoir renversé, ouais. À l'avoir renversé le jeu, ce qui s'est passé, puisqu'elle mène rapidement 6-3 je crois dans le deuxième, et là Chen Yufei se tord a priori assez violemment quand même, en essayant de reculer. On se demande même si le match va continuer, et non seulement il continue, mais quand il revient, Chen Yufei, donc qui est mené à ce moment-là 7-3, revient à 7-7, prend l'avantage pour ne finalement jamais le lâcher, malgré un mini sursaut d'Han Se-young en fin de match qui a tenté un peu des choses un peu différentes. C'est malgré tout le talent qu'a Chen Yufei, et même sans ce fait de jeu de la cheville, c'est très très surprenant de voir Han Se-young perdre ce genre de match, parce que elle nous a pas habitués à ça. Ouais, je suis bien évidemment d'accord avec toi, et on en parlait un peu avec les gens qui sont avec nous dans la salle. Et ce qui est ressorti, c'est que elle est restée dans un fou un peu, et qu'elle n'avait jamais été capable finalement d'accélérer, de mettre le pied sur l'accélérateur et d'aller chercher des points avec un peu plus de prise de risque peut-être. Quand elle l'a fait, elle a fait beaucoup de fautes. Est-ce que la blessure a changé son approche? Peut-être, mais en tout cas, elle a pas été au niveau d'une demi-finale mondiale. C'est honnêtement une méga surprise de pas l'avoir en finale et champion du monde. Je pense que Bah, tu l'as dit, mais si on joue sur la globalité de la saison, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville, sauf que ça ne marche pas comme ça, le bad. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est Benoît. Elle a déjà un titre, Anselm, puisqu'elle était championne en titre. Et pour le coup, enfin, voilà, c'est un peu comme sur le circuit. Elle peut pas gagner non plus 100% des matchs qu'elle joue. Et nul doute que des demi-finales, des finales de mondiaux, ouais, elle en jouera d'autres, a priori. Je pense aussi. Benoît, il y a eu pas mal de joueuses cette semaine dont on doit parler. On va peut-être parler. J'ai envie de te parler de PV Sindhu, Benoît, parce que moi aussi, même si elle fait pas de médaille, elle m'a impressionné. Elle jouait. Alors, elle galère déjà à gagner ses deux premiers tours. Elle est pas mal mise en danger par deux adversaires un peu inférieurs. Et Benoît, la grosse surprise, c'est de la voir sortir Wang Zi, tête de série 2, dès les huitièmes de finale, 21-19, 21-15. Derrière, Sindhu s'incline. 21-14, 13-21, 21-16 contre Wardani. Mais Benoît, moi, j'avoue que j'ai, un peu comme Yamaguchi, j'ai cru revoir, par moment en tout cas, on l'a revu, ouais, peut-être moins sur la durée, la Sindhu qui est championne du monde, qui est multiple médaillée mondiale. Bah, exactement. Est-ce qu'on peut dire aussi que la prépa, elle a marché? Je crois que oui, parce qu'on n'avait pas vu. Alors oui, probablement que Yamaguchi était plus proche de son meilleur niveau que n'a été Sindhu cette semaine quand même. Maintenant, Sindhu, elle a joué à un niveau qu'on n'avait pas imaginé ni vu depuis des années. C'est sa cinquième médaille mondiale, t'as dit ? Je crois qu'on s'était dit ça. Et en plus, c'est sur une période très, très, très, très longue. Elle a cinq médailles mondiales. Déjà, là, elle n'en a pas faites, mais c'est deux en bronze, deux en argent, une en or. C'est une compétition qui lui réussit très bien. Elle n'est pas passée loin de la sixième. Hein. Oui, oui, c'est autant qu'Yamaguchi et Chen Yufei qu'on vient de citer. Elle n'est pas passée loin de la sixième. Honnêtement, personne ne pouvait l'imaginer au début de la semaine, et surtout au vu de ses premiers matchs. Mais ça montre qu'elle n'est pas complètement cramée. Et tu me l'avais dit à juste titre. Est-ce que finalement, Sindhu, pareil, est capable de cibler des grands événements? Encore une fois, la médaille, il y avait la place d'aller la chercher aussi. Donc on peut se dire que finalement, c'est pas impossible, mais quand même, on voit qu'elle a plus de limites qu'il y a quelques années. Et Benoît, un mot de Wardani quand même, qui est médaillé. Pour l'Indonésie, c'est quand même un exploit, parce que le simple dame indonésien, ça fait des années que c'est plus vraiment ce que c'était. Elle bat notamment Tomoka Miyazaki, à qui elle met une petite leçon en huitième de finale, 21-12, 21-11. Ensuite, j'ai dit qu'elle perdait contre Sindhu. Elle gagnait contre Sindhu, pardon. Ensuite, elle perd contre Yamaguchi. Mais on l'attendait clairement pas à ce niveau, Benoît. Et moi, je te faisais un peu le parallèle. Je te faisais un peu le parallèle avec Toon Young, qui fait médaille d'argent au jeu quand on l'attend pas vraiment. Voilà, les Indonésiennes, visiblement, perf assez bien. Et pourtant, Benoît, c'est un peu particulier, c'est que Wardani, pour le coup, j'ai du mal à être très très impressionné par ce qu'elle a fait cette semaine dans le jeu, je trouve. Mais pourtant, les résultats montrent que on doit être impressionné par ce qu'elle a fait. Ouais, elle est très jeune à Wardani, et je pense qu'elle a un bel avenir. Je pense que je pense pas à un avenir de top 3 mondial, mais je pense quand même d'une joueuse qui peut être une outsider. Maintenant, ouais, impressionné par sa semaine, évidemment, une médaille historique pour l'Indonésie, parce que bah même Toon Young a failli dans cette quête-là. Et son jeu, pas impressionnant, mais un côté très métronome. C'est là aussi que c'est peut-être moins impressionnant que d'autres joueurs. Ah, Benoît, de qui tu veux parler? On a Ratchano Quintanon qui s'est fait sortir dans les têtes de série dès le premier tour par Nguyen Chuen Linh, la vietnamienne, 21-17, 21-18. Pour le coup, Benoît, on a parlé de joueuses qui ont retrouvé leur niveau d'avant. C'est beaucoup plus compliqué pour Quintanon. Ouais, c'est ce qu'on se disait avec beaucoup, c'est que Quintanon, c'est quoi son vrai niveau aujourd'hui? C'est une top 25 mondiale. Alors, pas encore au niveau du ranking, mais quand même au vu de ce qu'on voit. Et elle perd contre une joueuse qui est dans ce même niveau de classement. Pas une grande surprise, une Nguyen qui fait un plutôt bon match. Honnêtement, c'est dur parce qu'on a vu Quintanon tellement haut que là, l'avoir à ce niveau-là, bah, c'est plus dur, mais c'est une surprise par le nom plus qu'autre chose. Pour le coup, d'autres Thaïlandaises ont été meilleures. On a Hong Bang Wong Fan, sa compatriote, qui a battu Yeo Jamin, 21-17, 22-20. Yeo Jamin, la Singapourienne, qui était pourtant tête de série, avant de subir la loi pour Hong Bang Wong Fan de sa compatriote, Cho Shumong, qui 21-10, 21-11. Cho Shumong, qui va ensuite perdre contre Chen Yufei en quart. Voilà, pour parler des joueuses que vous connaissez, on peut parler. J'allais en parler à la fin, mais on peut en parler maintenant, puisque ça concerne Chen Yufei d'Anna Tatranova, qui était malheureusement, avec le forfait de Léonie Sué, qui était notre seule représentante dans ce tableau, qui s'incline 21-10, 21-12 au premier tour contre Chen Yufei. On va pas se mentir, Benoît, vous l'avez vu si vous avez écouté notre épisode de preview. Quand on avait vu qu'elle avait joué Chen Yufei, moi j'étais un peu deck parce que je me dis, ah, il y a peut-être des joueuses qu'elle pourrait inquiéter dans ce tableau. Et après avoir vu la semaine, je suis quasiment sûr qu'il y a des joueuses qui auraient été bien plus inquiétées par Anna Tatranova. Maintenant, contre Chen Yufei, c'était dur. Mais, contrairement à d'autres, pour tout vous dire, on en a vu des, je vais dire des raclés, on en a vu cette semaine. Mais là, dans le jeu, je trouve qu'Anna Tatranova a montré des belles choses. Sans gros complexe d'infériorité, et voilà, à la fin ça fait 10 et 12 parce que c'est Chen Yufei, mais quand même hâte de voir Tatranova, toujours à plus haut niveau. Pour moi, voilà, on verra ce qu'elle devient. Bah, pour répondre à la dernière partie de ton avis sur le match et sur Tatranova, de toute façon, l'avenir de l'équipe de France en simple dame, c'est pas non plus comme s'il y avait des centaines de joueuses qui pouvaient dire à Tatranova, je vais te prendre ta place. Donc oui, on va lui laisser du temps. Je suis d'accord avec toi, j'aurais aimé l'avoir contre une autre joueuse aussi parce que, bah surtout dans ce deuxième set où elle s'est libérée, mais elle a un jeu assez léché, très propre. Honnêtement, c'est même agréable à voir. Après, Chen Yufei, évidemment qu'elle était en contrôle, en maîtrise, j'ai pas de doute là-dessus. Mais comme tu l'as dit, on a vu des joueuses se prendre des grosses raclées quand même cette semaine, avec aucun contenu ou très peu. C'est vraiment pas le cas de Anna Tatranova. Mia Blichfeld qui a perdu contre Chen Yufei au deuxième tour, elle, qui avait battu la Taïwanaise Sung au premier tour. Elle a pris un set à Chen Yufei quand même. Et Benoît, pareil, c'est le cas pour beaucoup. On voit qu'il y en a beaucoup de joueurs et joueuses qui étaient un peu en difficulté et qui ont réussi une bonne semaine aux mondiaux, même si c'est peut-être beaucoup d'appeler ça une bonne semaine quand tu perds au deuxième tour. Mais on a quand même vu des belles choses de Mia Blichfeld et on voit qu'elle commence à se remettre petit à petit et on va voir ce que ça donne. Mais voilà, je trouve ça, je m'attendais à pire de la part de la danoise. Ouais, bah après, faut aussi juger le niveau européen. Et le niveau européen, bah, c'est exception faite de Carolina Marin, mais qui aujourd'hui ne rentre pas dans ce débat. C'est pas si mal. C'est clair, c'est clair. On a vu Linkerfeld aussi sortir au deuxième tour contre Katetong en toute fin de match. Voilà, Benoît, je sais pas de quoi tu veux parler. On a parlé à peu près de toutes les têtes de série et de toutes les joueuses européennes, évidemment françaises. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Petite tristesse, on en parlait tous les deux. C'est juste une anecdote, mais Zhang Baiwen en avait parlé et tu le disais justement. Je te laisserai compléter parce que tu en sais plus que moi. Mais ça fait pas plaisir de voir une Zhang Baiwen top 15 mondial depuis, j'ai pas le stat, mais un paquet d'années, seule, jouer des huitièmes de finale seule au championnat du monde. Quand je dis seule, c'est vraiment seule, hein. Pas de coach, même les plus petits pays, typiquement à l'Ouganda, je pense à eux, parce qu'on a vu beaucoup de joueurs ougandais qui avaient des coachs, Zhang Baiwen toute seule. J'ai pas la force de passer un coup de gueule à la fédération américaine, mais ça fait chier. Ouais, non, c'est clair. On en reparlera parce que c'est un sujet qui mérite d'être approfondi. Mais elle avait parlé un peu de sa solitude sur le circuit. Et c'est vrai que l'avoir pas coaché, jouer, en plus c'était en fin de journée, c'était vraiment un peu triste. Elle perd au deuxième tour contre Han Yue 24-22, 21-13. Mais voilà, c'est vrai que c'était un peu triste alors qu'elle a encore quelque chose. Et je crois qu'en plus c'est la joueuse la plus âgée du tableau, Zhang Baiwen, avec ses 35 ans, il me semble avoir vu ça. Possible. Donc voilà. Tu as fini, Benoît, sur le simple dame. Oui. On en a pas mal dit. On enchaîne avec le double dame. Aimez-vous le badminton? Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Double dame, après deux défaites chinoises sur les deux premiers tableaux, la troisième était la bonne pour le pays du badminton avec la victoire de Liu Tan des têtes de série 1 face aux têtes de série de Tan China. Donc la logique a été respectée si on veut. 21-14, 20-22, 21-17. Et Benoît, tiens, justement, je parlais de logique, mais sur ce match, même si au final c'est 21-17 au troisième, donc c'est très très serré, ça se joue à vraiment pas grand chose. Il y avait quand même une sorte de logique implacable en faveur des Chinoises. Les Malaisiennes tantôt se faisaient distancer, tantôt revenaient un peu, mais finalement, il n'y a pas eu. C'était très logique. J'arrive pas à trouver d'autres mots. Très logique au bout de la semaine, de la saison, de tout. On l'avait dit qu'elles étaient grandes favorites. C'est peut-être un des tableaux avec un autre dont on parlera tout à l'heure, parce que tu l'as dit, les finales sont pas finies, mais où vraiment on attendait une paire. C'est ça là, Yutan, elles ont assumé leur statut, c'est leur petit titre mondial. On se le disait tout à l'heure, le meilleur de la saison gagne pas toujours, le meilleur de la semaine, de tout, gagne pas toujours. Là, Yutan, logique implacable. Benoît, pour rester un peu sur Yutan, c'est vrai que elles avaient commencé la saison tranquillement, même trop tranquillement pour nous, on va dire, observateurs ouais, extérieurs. On avait dit, c'est étonnant, elles ne gagnent pas de titre et tout. C'est pas forcément ce qu'on attendait d'elles après leur finale au jeu il y a un an. Et ensuite, elles ont vraiment enclenché la seconde. J'ai l'impression que le début, c'est quand elles sont championnes d'Asie. Derrière, sur le circuit, ça a été beaucoup mieux. Et là, on va revenir sur leur semaine. Mais dès le début, elles ont eu un profil de futures championnes du monde. Elles ont eu un match ultra dur. Elles auraient pu ne pas faire médaille. Quand tu vois qu'elles jouent leur compatriote Jia Zhang dès l'écart, mais elles ont eu un tableau difficile. C'est largement mérité ce titre. Et ouais, c'était le leur depuis le début de la semaine. Ouais, elles ont battu les meilleures paires de la semaine. T'as mentionné Jia Zhang. On va reparler peut-être un tout petit peu plus du match après. Tantina aussi. En vrai, elles ont prouvé, on peut pas dire qu'elles ont bénéficié de certaines têtes de série qui sortent. Non, elles ont juste prouvé qu'elles étaient meilleures. Peut-être qu'on peut juste évoquer, tu vois. Mais je trouve que dans ce match, on voit aussi la marge qu'elles ont parce que plusieurs fois, on se dit putain, mais là, il y a quand même des petites failles encore dans leur jeu. Mais en fait, sur l'ensemble d'un match, elles donnent tellement peu globalement que c'est tout simplement les meilleures. Et pour l'instant, parce que je pense qu'il y a encore des failles dans leur jeu, contrairement à d'autres paires historiques dont on a parlé. Ben, personne n'a trouvé une solution durable. Ouais, parce que Benoît, pourtant, c'est vrai que elles sont très puissantes, etc. Mais on a l'impression que même si dans le jeu, on va dire dans le jeu tendu, Tantina avait l'air plus armée, notamment quand souvent c'est Pearly Tan qu'il faisait, elle arrivait à prendre le volant très tôt au-dessus de la bande et à le descendre. Mais finalement, dès que les échanges duraient un peu, et ben les Malaisiennes n'avaient plus de solution. Elles étaient obligées de relever et ensuite elles se faisaient sans arrêt pilonner par leurs adversaires. Et tu peux défendre un peu, mais là tu peux pas le faire sur une aussi longtemps, surtout face à une paire qui est une des plus puissantes du circuit. Ouais, c'est ça. Et pourtant tu l'as bien dit, mais Tantina, ils ont parfois réussi un peu à prendre le fil là où les Utah n'y vont jamais. Bon, c'est un style de jeu et tout, mais je trouve qu'il y a des progrès à faire. Mais sur l'ensemble d'un match, pour l'instant, c'est trop compliqué. Tantina, par séquence, on s'est dit « Ah ok, il y a peut-être quelque chose là à aller chercher », mais en fait, c'était que par séquence. Et quand tu le fais deux fois sur cinq ou sur six, bah, évidemment, c'est insuffisant. Benoît, Lutan, qui sont encore très jeunes, elles ont 21 ans, ouais. 21 et 22 ans pour être précis. Elles sont vice-championnes olympiques, désormais championnes du monde. Et tu l'as dit, dans leur jeu, il y a encore des choses à parfaire. Ça laisse rêveur sur le niveau qu'elles peuvent atteindre si elles continuent une courbe de progression similaire. Ouais, on se le disait, la Chine a 25 titres sur 29 éditions. Les trois derniers, c'est Chen Jia. En vrai, il y a d'autres paires historiques, évidemment. Mais déjà, si tu arrives à égaler ou à s'approcher... Elles sont dans la lignée, c'est par là, quoi. Exactement. Si tu arrives à t'approcher de ça, bah déjà, tu seras une paire historique de ton tableau. Mais je doute pas à quelle progression, ouais, pour répondre à ce que tu dis. Benoît, pour Tantina, donc pas de deuxième titre malaisien dans cette journée. En plus, on l'a pas dit pour Cento, mais le dimanche, le jour des finales, c'est le jour national en Malaisie, le jour de l'indépendance. Malgré tout, ça reste un jour assez exceptionnel pour Tantina, les premières malaisiennes à atteindre la finale des championnats du monde. Un beau parcours aussi, où franchement, elles ont été très solides. On se disait un peu... Ah, tête de série 2, c'est un peu plus élevé. Est-ce que Matsuyama Shida sont pas meilleurs? Est-ce que Jia Zhang sont pas meilleurs? Pour le coup, elles passent trois tours de manière très autoritaire en battant notamment Maya Sari Ramadanti et les Stoeva. On y reviendra évidemment. Et en demi-finale, elles jouent justement contre Matsuyama Shida. Match a priori équilibré qu'elles remportent 14-21, 21-13, 21-12. Elles perdent en finale, Benoît, contre plus forte. Mais ça montre leur progression sur ces dernières années qui n'a pas du tout été linéaire. Hein. Elles ont frappé fort quand elles avaient gagné les IFB. Et dans la foulée de cet exploit-là, derrière, c'était un peu redescendu. Après, elles sont un peu revenues ces derniers temps. C'est une paire voilà, qui n'a pas une trajectoire un peu à l'image de leur style de jeu. Ouais, c'est pas linéaire, c'est pas lisse. C'est très lisse. C'est pas lisse. Mais Benoît, on se régale quand on les voit jouer. C'est vraiment une paire qui a toujours le sourire, qui a un bon contact avec le public. On ne sait pas si on les reverra à ce niveau-là sur des championnats du monde, mais ça augure des bonnes périodes pour elles. Ouais, bien sûr. Après, elles sont encore jeunes aussi, hein. Moins jeunes que Lutan, mais jeunes quand même. Est-ce qu'elles ont trouvé une forme d'équilibre aussi cette saison, peut-être? Je pense que c'est leur jeu à risque qui est très lié avec la progression pas linéaire dont tu parles. C'est que quand on prend autant d'options, on l'a encore vu dans cette finale, tu prends de tels risques que forcément ça peut pas tout le temps passer. Voilà, cette semaine, je trouve qu'elles ont pris des options, et c'est plus mesuré, plus contrôlé, plus réfléchi. C'est là où je trouve qu'elles ont progressé. On en avait déjà parlé avant les championnats du monde. Toi, t'étais le premier à dire que tu les voyais aller loin. Même, il me semble, champion du monde. J'avais dit champion du monde. Donc, t'avais quand même bien lu le truc. Je pense qu'elles peuvent, elles peuvent vraiment être la paire qui va se maintenir dans parce que le top 3, peut-être, avec Jia Zhang et Newton, peut-être, à minima le top 5, je pense, mais honnêtement, je serais pas surpris qu'elles aient d'autres occasions d'aller chercher un titre mondial. Ouais, non, c'est clair, c'est, moi non plus, ça m'étonnerait pas parce qu'elles continuent de progresser et de parfaire leur jeu, voilà, qui est encore un peu tout feu, tout flamme, mais peut-être un peu plus mesuré maintenant. On va parler des deux paires françaises et après on reviendra sur les têtes de série si tu veux bien. On peut parler de Margot Lambert et Camille Poignante qui est notre paire numéro 1. Elles ont battu des indiennes, Kong Jeng Bam, Mishra au premier tour, 21-17, 21-16. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de ce match déjà? Moi je suis, voilà, j'ai un peu plus envie de parler du deuxième. Mais... Bien sûr, bah, c'était le grand minimum. Oui, exactement. Dans le deuxième, le niveau s'est levé un grand coup, hein, parce qu'elle jouait les têtes de série 4 Baïkli, des candidates à la médaille et même des candidates au titre. Vraiment, moi j'ai été, je pense que c'est un des matchs qui m'a le plus enthousiasmé de la semaine, alors qu'on en a vu un paquet, je peux vous le dire, on n'a pas fait le compte. Elles perdent pourtant le premier set 21-11, et derrière il y a une sorte de réveil dès le début du deuxième, qu'elles gagnent 21-17 avant de s'incliner au troisième set 21-17. J'ai toujours eu un peu de mal, je sais pas si je l'ai assez explicité dans le podcast, mais j'ai toujours eu un peu de mal à croire en cette paire, ou en tout cas, quand je dis croire, c'est penser qu'elles iront rapidement, en tout cas qu'elles iront peut-être même un jour au niveau de ranking que Margot Lambert avait atteint avec Antran. Je vous avoue que je vais pas complètement retourner ma veste, mais j'y crois déjà beaucoup plus après cette semaine, en sachant que Camille Poignante est encore très très jeune. Et franchement, j'ai vu des très très belles choses sur ce match, et même sur un peu sur le précédent, mais surtout sur celui-ci. Et vraiment, c'est du double dame assez efficace, mais surtout du double dame assez spectaculaire, c'est qu'elles attaquent un peu comme des sourdes, quoi. On peut le dire. Margot Lambert a toujours été comme ça, mais Camille Poignante a un style de jeu qui sera proche beaucoup plus du sien que de l'ancienne partenaire de Margot qui était Antran. Du coup, ça donne un bad assez spectaculaire, ultra tourné vers l'attaque, elles veulent le reprendre tout le temps. Et évidemment, Margot Lambert, pour moi, est une des meilleures joueuses de double française. Peut-être la meilleure, ça se joue de jouer avec Delphine Delerue dans un registre différent, mais Camille Poignante a encore une marge de progression qui est énorme. Et voilà, pour moi, c'est un bilan, malgré une défaite au deuxième tour, c'est un peu con de dire ça, mais c'est un bilan très positif. Bah, c'est un bilan très positif. Je suis quand même content de te l'entendre dire, Ewan, parce que moi, tu le sais, je l'ai déjà dit, j'ai cru très vite. Et je disais qu'il fallait quand même être patient. En fait, c'est arrivé tellement vite la séparation avec Antran qu'on s'est dit, ok, Margot Lambert, il faut lui filer un projet top 2 mondial. Les gars, Camille Poignante, elle a découvert le haut niveau avec Margot Lambert. Et je dis le haut niveau, le très haut niveau, tu vois. Donc, il fallait être patient. Ce qu'on a vu là, pour moi, c'est des bribes de ce que ça pourrait être. Je trouve qu'elles ont progressé. T'as parlé de l'attaque. Je vais pas revenir là-dessus. Je partage un peu plus ce que t'as dit. Mais moi, surtout, ce que je note, c'est que leur niveau là est permis par les aspects où elles ont progressé. Pas mal la défense, qui était quand même plutôt un point faible. Après, voilà, il y a encore, on l'a dit pendant le match, moi, je m'en souviens. Ça prend pas assez le filet encore, je pense que comme des Liutan, tu vois, y a quand même, ça passe aussi par là, je pense, j'ai envie de te dire plus, comment dire, comme était en train, je trouve pas mes mots, mais meilleur dans certains aspects du jeu qu'elles explorent pas du tout à l'heure actuelle. Et ouais, mais c'est une semaine positive quand elles sont capables de rivaliser à ce niveau-là avec Baïkli, qui on en parlera ont été globalement décevantes aussi sur le match suivant. Mais en tout cas, ça veut dire que tu rivales top 10, top 15 mondial. Et je pense que là, les détracteurs de Lambert Poignante, cette semaine, ça va être difficile quand même de nous dire qu'il n'y a pas une marge de progression et d'espoir en cette paire. Benoît, justement, j'allais dire, mais tu as un peu commencé là-dessus. Moi, je m'emballe aussi, à juste titre, sur ce match. Ouais. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte, parce que souvent, on passe un peu pour des relous quand on dit fait ça pour les Français sur 21 Shuttle, mais que Baïkli était assez loin de leur meilleur niveau et l'ont prouvé en se faisant sortir 21-16, 21-15 le tour d'après contre Kusuma. Ou Pratiwi, les indonésiennes. Et surtout, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est effectivement le faire sur un match, c'est bien. Maintenant, il va falloir confirmer. Et ça va être difficile, même si, voilà, c'est pas le premier bon résultat de Lambert Poignante. Elles ont déjà montré des belles choses sur des tournois bien inférieurs à ça. maintenant, il va falloir, sur la durée, arriver à montrer ce niveau-là plus souvent et le plus souvent possible. Mais je pense qu'on peut y croire. Il faut rappeler que ça fait à peine un an qu'elle joue ensemble, moins d'un an qu'elle joue ensemble. Oui, c'était séparé après les Jeux, Margot Lambert. Voilà. Donc, faut encore être patient, je le dis, mais franchement, cette paire, Camille Poignante, elle est très très jeune, donc c'est normal que ça prenne du temps. Et moi, je suis pas inquiet que la saison là, qui arrive, la fin de saison déjà, et la saison suivante, c'est une paire qui va rentrer dans le top 30 tous les jours. Benoît, pour là où on regarde un peu dans le futur pour cette paire, c'était le dernier tournoi pour notre autre paire française, Théa Marguerite et Flavie Vallée, qui a d'abord affronté une paire du Sri Lanka. Alors pour le coup, je m'essaierai pas à prononcer les noms parce que ça va être une boucherie et j'ai pas envie. Donc malheureusement, je vais me contenter de dire qu'elles ont gagné 21-18, 21-16. Ensuite, elles affrontaient Maya Sari Ramadanti, les indonésiennes tête de série 12. Théa Marguerite et Flavie Vallée qui s'inclinent 21-13, 21-12. Non, elles ont parfois montré des belles choses, des bribes de très belles choses, Marguerite Vallée, un peu comme on l'a dit pour Anna Tatranova, peut-être dans une moindre mesure ici, l'écart de niveau était bien trop important pour espérer quelque chose d'autre qu'un score comme celui-ci. Oui, je suis d'accord. Après, tu l'as dit, moins important peut-être qu'avec Anna Tatranova et Chen Yufei, l'écart de niveau. Maintenant, on va pas se mentir, on n'espérait pas plus que ce qu'on a eu. Je pense que c'était une belle dernière. Tu as gagné un match au championnat du monde. Il y a quelques mois, c'était déjà un peu inespéré. Il y a eu un match, elles ont capitalisé. Bon, maintenant, voilà, cette paire, c'est terminé, donc on va pas parler de futur ou quoi. Flavie Vallée, on sait, on l'a vu ensemble qu'elle allait jouer avec une nouvelle partenaire à partir de la rentrée là. Pâté à Marguerite. Bon, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, on avait deux représentantes au championnat du monde, et honnêtement, on peut quand même dire que globalement, en double dame, c'est plutôt une réussite. Oui, c'est ça, voilà. Pâté à Marguerite, qui donc n'a pas de nouvel partenaire, on verra ce qu'il arrête, si elle arrête ou pas. Flavie Vallée, qui va jouer avec Elsa Jacob, on va voir ce que ça donne très, très, très bientôt. Pour les têtes de série, Benoît, alors pour le coup, pas d'énormes chocs, vu que les têtes de série 1 et 2 étaient au rendez-vous, les têtes de série 3 étaient également au rendez-vous. Peut-être, Benoît, je sais pas, on en a parlé rapidement de Matsuyama Shida, qui elle aussi disputait leur dernier match ensemble, oui. Puisque Matsuyama arrête sa carrière au haut niveau, et Chiharu Shida va jouer avec Arisa Igarashi, l'ancienne partenaire de mix de Watanabe. Donc on a très hâte de voir ça déjà. On aurait aimé, bien sûr, une finale, voir un titre pour le dernier match de Matsuyama Shida, mais Benoît, une médaille, c'est déjà, on va dire, très, très, très bien. Et du coup, c'est quand même, on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast, mais la fin d'une des trois meilleures paires, allez, je vais dire post-Covid, on va dire. Ouais, une paire en plus qu'on a vu arriver où on se disait, ah, est-ce que vraiment ça peut être top 5, top 10, je me souviens à l'époque. Ça a plutôt été une paire top 5, top 3 pendant des années maintenant. Je trouve que cette médaille, première médaille mondiale, c'est une belle récompense et largement méritée au vu de ce qu'elles ont proposé ces 4-5 dernières années, voire un peu plus parce qu'elles étaient déjà sur le circuit, on va dire, secondaire avant ça. Mais non, on peut penser que du côté coréen, on est quand même pas passé à côté, mais tu vois, Baek Lee qui ont perdu assez tôt, Kim Kong qui ont pris 17 et 14 contre Matsuyama Shida, une gestion de match qui laisse à désirer quand on voit, quoi, je sais pas si tu te souviens, comment elle menait dans le premier set. Voilà, c'est un peu... C'est le bilan japonais avec deux médailles de bronze, parce que Iwanaga Nakanishi, que j'ai pas encore cité, complète ce podium. Le bilan japonais, il est pas trop mauvais. Le bilan coréen, il est clairement à revoir, là, malgré des changements de paire il y a pas si longtemps. Ouais, après, on a loué les choix, parce que on parle beaucoup de CO, évidemment, qui est probable, enfin, j'ai envie de te dire la tête d'affiche de cette nation, mais. Peut-être que les choix en double dame sont à discuter, peut-être que la seule paire qui a été gardée, qui était la paire numéro 1, et je pense que c'est probablement l'argument principal, c'est à discuter aussi. On parlera aussi du double homme parce que on a été surpris, enfin surpris, on peut se poser des questions de certains choix aussi de qui t'amène au championnat du monde. Ouais, il y a des questions à se poser, et sur le bilan décevant, et aussi peut-être, ça c'est la conséquence, mais la cause c'est que c'est le choix des paires, peut-être, je sais pas toi ce que t'en penses, mais il y a peut-être des interrogations à avoir. Côté chinois, le bilan est évidemment positif, mais il aurait peut-être même pu être encore plus avec un tirage un peu plus favorable, parce que Benoît, Liu Tan et Jia Zhang, qui sont deux des trois meilleurs paires du monde à mes yeux, et qui s'affrontent dès l'écart, c'est un peu dur, surtout pour Jia Zhang, qui sont tête de série, et que moi je voyais aller jusqu'en finale et battre Liu Tan. Ça n'est pas arrivé. Elles ont pris le premier set 21-19 contre leurs compatriotes en quart. Derrière, elles s'inclinent 21-9. Et Benoît, à part le troisième, 21-9, vous imaginez bien que c'est allé que d'un côté. Mais ce match qu'on n'avait pas vraiment coché dans la liste des matchs à voir, d'ailleurs, on l'a littéralement pas fait, puisqu'on annonçait dans nos petites vidéos pour ceux qui ont suivi les matchs à voir du lendemain. Et je pense pas que celui-là, on en ait parlé très longtemps. Et pourtant, Benoît, ça a été pendant 2 sets un pur match. Ouais. Et pour moi, ce qu'il a prouvé, c'est que Jia Zhang, quasiment avec n'importe quel autre tirage, c'était médaille. Et pas forcément en bronze. Ouais, bah totalement d'accord avec toi. Moi j'avais aussi dit, je crois, je les avais annoncés champion du monde peut-être, parce que je pensais que Jiayi Fan pourrait faire la petite diff qui manquait à ce niveau-là à Zhang. Ça n'a pas été le cas. Liu Tan, elles ont été ultra solides dans ce troisième, elles ont fait exploser, alors qu'on a eu mes deux premiers sets d'une qualité, mais peut-être les deux meilleurs sets de la compétition en double dame, franchement. Ouais, avec un autre tirage, c'était clairement pas la médaille de bronze à mon avis. Curieux de voir ce que ça peut donner derrière. La progression, pour le coup, elle est constante chez cette paire depuis qu'elle a été créée. On s'attendait à beaucoup au début, mais en fait, c'est vraiment monté crescendo. Aujourd'hui, paire de finale des championnats du monde face aux futurs champions du monde. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, pour moi, d'être la numéro 2 en Chine et numéro 2 au monde? Et ben non, il fallait évidemment que je te parle des sœurs Stoeva, qui elles ne jouent quasiment plus sur le circuit. Pendant un moment, elles jouaient que sur le circuit européen. Après, elles sont revenues pour des résultats assez moyens. J'ai pas les stats sous les yeux, mais pour moi, elles perdent quasiment au premier tour de tous leurs matchs. Elles battent d'autres sœurs, les sœurs Panda, au premier tour. Ça a été vite expédié, ce match contre les Indiennes. Derrière, déjà, première surprise, elles jouent leur première tête de série, les têtes de série 16, Goteo. À qui elles mettent 21-11, 21-9, une grosse démonstration qui sort un peu de nulle part. Derrière, elles jouent contre Fukushima Matsumoto, deux joueuses qui en ont joué des finales mondiales, une bonne paye. Et là, elles gagnent 21-18, 20-22, 22-20, au moment où elles passent à quelques centimètres sur Aokai de se faire sortir. Mais elles ont quand même la ressource psychologique de passer. Derrière, elles perdent 21-15, 21-15 contre Tantina. Mais donc, voilà, je ne suis pas passé proche de la médaille, parce qu'en quart, elles sont un peu corrigées par une paire bien meilleure. Mais on les attendait clairement pas à ce niveau-là, Benoît. Nous, parce que j'ai trouvé que elles avaient l'air d'avoir confiance en leurs capacités, elles savaient pourquoi elles étaient là, et pendant 3 matchs, on a revu les sœurs Stoeva d'il y a 5-6 ans. Elles n'ont pas réinventé leur jeu, on a revu les sœurs Stoeva d'il y a 5-6 ans, juste elles ont bien fait cette semaine ce qu'elles savaient faire, alors ça fait pas rêver. Tu le disais justement, je sais plus comment tu le disais, mais qu'elles étaient très droites. Ouais, elles sont rigides, j'avais dit. C'est vrai que c'est du double dame à l'ancienne, quoi. Ouais, t'as l'impression que ça fait voilà. Ça, mais elles ont joué peut-être à leur meilleur niveau ou s'en sont rapprochées. Alors que t'es pas arrivé depuis des années au meilleur moment. Maintenant, c'est déjà monstrueux d'aller chercher un quart de finale au Mondiaux. On peut débattre du fait qu'elles aient tiré une bonne tête de série, peut-être. Mais après, elles les ont battues. Et derrière, quand elles battent les Japonais, c'est pas une bonne tête de série à tirer. Donc non, juste, elles ont été très fortes. Maintenant, aller chercher une médaille, ça semble quand même compliqué. Voilà, dans les autres paires, peut-être mentionner, je sais pas, parce que je les ai sous les yeux, les Australiennes Somerville-Liu, qui ont fait un petit parcours sympa aussi. Elles ont perdu 21-19, 21-18 contre Fukushima Matsumoto. Et sinon, voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Je pense qu'on a parlé des paires principales, sauf si tu veux rajouter quelque chose, Benoît. Non, je pense qu'on a fait le tour. On passe donc à notre quatrième tableau de cet épisode, qui va sûrement être assez conséquent, je ne vous le cache pas, le simple homme. Look at this, look at that. Le simple homme avec la victoire de Shi Yuxi. Tête de série Uniba, Ken Lavoud, Vichy Tsarn, tête de série 3, 19-21, 21-10, 21-18. Benoît, on l'a vu à sa réaction, un titre qui vaut évidemment beaucoup pour Shi Yuxi. Mais avant, on va quand même se concentrer un poil sur le match. Benoît, victoire assez logique hein, finalement, même si ça se joue pas à grand chose. Shi Yuxi qui menait dans le premier set, il se fait un peu, je vais pas dire braqué, mais il se fait rejoindre en fin de set et il le perd. Il domine de la tête et des épaules le deuxième, et dans le troisième un peu pareil, sauf que Vichy Tsarn revient à la fin. Donc voilà, contre Vichy Tsarn, je pense que c'est impossible de dominer un match à 100%, mais Shi Yuxi l'a quand même fait en bonne partie. Ouais, il l'a fait globalement. En tout cas, c'est lui qui a été le plus constant dans la performance. Très clairement, Vititsarn, par moment, il a joué son meilleur niveau, mais pas suffisant pour battre ce gars-là. Je sais pas, l'émotion et tout, franchement, c'était des frissons. On a vu énormément de champions du monde, on a suivi énormément de championnats du monde, mais franchement, l'émotion de Shiyushi, bah, je pense que toi et moi, on l'a un peu ressenti, et surtout, on était quand même assez contents pour lui. C'est, je pense qu'on peut le dire, globalement mérité pour l'ensemble de l'œuvre et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ouais, sur le match, honnêtement, sur le match, la semaine, la saison, on le dit assez souvent, mais là, le meilleur, il a gagné. Ouais, Benoît, sur le match, je vais pas dire que Vititsarn était résigné, mais je dirais plutôt sans solution, quoi. Il a réussi à profiter un peu des moments de faiblesse de Shiyushi, notamment au filet. Il en a raté pas mal pendant un moment, donc forcément, le Thaïlandais l'a attiré sur ce secteur de jeu, mais on avait l'impression que, avec son style de jeu, Vititsarn, c'est peut-être un peu l'autre côté de la pièce. C'est que il est tellement constant que, contre un mec qui l'est limite encore plus et qui fait tout un peu mieux, en tout cas sur ce match, il semblait pas avoir les armes pour faire mieux que ce qu'il a fait là. Ouais, oui, sans doute. Après, on va en parler, mais qui finalement avait les armes pour faire mieux que ça contre Shiyushi, peut-être personne. Après, ouais, c'est compliqué quand il joue à ce niveau-là, honnêtement, Shiyushi. Je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, c'est vrai. Benoît, Shiyushi, on se faisait la réflexion avant le match, c'est que bah, c'est un titre qui lui était un peu promis depuis longtemps. Il avait fait finale en 2018, il s'était pris un peu une raclée contre Momota, mais il n'en était pas du tout au même stade dans sa carrière. Depuis, il a gagné énormément de choses, mais en dehors du circuit, il n'a pas été champion d'Asie, il n'a pas gagné les Jeux d'Asie, il n'a pas de médaille olympique, il n'avait pas d'autres médailles mondiales, il n'en avait qu'une depuis cette fameuse finale en 2018, donc bon. Il fallait concrétiser au bout d'un moment pour un peu récompenser ces années à très haut niveau. Et c'est enfin fait. Il était favori au début de la semaine et je pense que ça a dû être une semaine difficile pour lui. Déjà, il a joué ses 4 derniers matchs à partir des 8e. Il a tout joué en 3-7. Voilà, c'est pour ça que j'ai senti plus de soulagement qu'autre chose. Je pense que c'est très, très compréhensible. Ouais, pour moi, c'est le mec qui est arrivé sur les championnats du monde avec le plus de pression, tout tableau confondu. Pour plein de raisons différentes, mais parce qu'il y en a qui avaient déjà gagné, d'autres qui étaient moins attendus. Lui, il a un palmarès hors circuit cette année, il gagne quand même 3000 et 750, enfin genre il roule sur le circuit, clairement on peut le dire, mais par contre le palmarès que tu regardes à la fin d'une carrière, il est un peu famélique, tu l'as bien dit. Le niveau de jeu en fait du gars et sa gestion de tous les efforts a été assez hallucinante cette semaine, parce que on parle de cette finale, mais en fait il a joué des mecs qui ont, certains ont joué leur prime, on va en reparler, mais sortir ce, en fait c'est ça, c'est sortir ton meilleur niveau de jeu dans ce qui peut-être était le moment le plus dur de sa carrière à gérer, parce qu'il y a eu tellement de déceptions. On sait qu'il est passé à deux doigts d'une dépression, il en parlait lui-même après Paris l'année dernière. Ouais, c'est tout simplement titanesque ce qu'il a fait à Paris cette année. Et Benoît, que dire de Vititsarn qui là est un peu court sur ce match, mais je le disais dans la vidéo qu'on a publiée hier, il a fait finale sur les 4 derniers gros événements, sur les Jeux Olympiques et sur les 3 derniers mondiaux en 2022, 2023, 2025. Il va au bout en 2023. Un modèle de constance, ce Vititsarn, alors que il fait pas la saison de sa vie en 2025, malgré quand même quelques titres. Hein. À Singapour, Indonesia Masters, Thailand Open. Il a parfois championnat été décevant. Championnat d'Asie, ouais. Championnat d'Asie aussi, c'est vrai, t'as raison. Mais sur les, bah, ça rejoint ce que j'allais dire, sur les grands événements, il est là. Et là, toute cette semaine, il a été impérial. Il s'est fait parfois bouger, lui aussi. Il joue 3 matchs en 3-7 sur cette édition. Il a parfois été bougé, mais on a senti un très très bon Vititsarn dès le début de la semaine. Ouais, il a été très solide, il a fait des matchs de fou lui aussi. C'est pour ça que je dis que, enfin, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais on se l'est dit tous les deux. En fait, c'est triste de penser ça, mais quand tu passes une semaine à voir des matchs bad, je pense que t'es moins lucide sur le niveau des finales. On se le disait hier, et je pense que cette finale, elle est quand même un peu all-time en termes de niveau de jeu. Je dis pas que c'est la plus belle finale de l'histoire des mondiaux, mais franchement, c'est quand même très très haut parce que le niveau produit par ces deux gars-là sur la semaine, c'est quand même assez fou. Dans cette finale aussi, ils ont été au rendez-vous. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Viti Tsarn, peut-être que c'est un homme de grand rendez-vous finalement. Pas que, hein, évidemment, mais quand tu compares le palmarès des deux, bah, Viti Tsarn, il a un palmarès déjà plus fourni en l'espace de 3-4 saisons que Shiyushi, qui pour moi, tu vois, sur 5, 6, 7, 8 ans, a fait, je vais pas dire tellement plus parce que ce serait pas ça, mais tu vois, a peut-être plus prouvé sur la durée. On va parler des Français parce que c'est dur de ne pas parler de ce simple homme sans parler des Français. Ils étaient trois, Alex Lanier, Christophe Popov et Thomas Junior Popov, et ils étaient tous les trois têtes de série. On va commencer, bon, on va faire dans l'ordre des têtes de série, on va commencer par Alex Lanier. Benoît, deux premiers tours, alors les deux premiers tours assez tranquilles contre Wang Sharwen, avec une petite alerte à la fin dans le deuxième, il se fait rejoindre mais finalement il le prend en deux, 21-10, 22-20, contre le Croate Dinata, 21-17, 21-13. On attendait de voir ce que ça allait donner face au Chinois Wang Hongyang, tête de série 16, le gaucher, et grosse, voilà, on est tombé de haut, il est tombé de haut aussi, désillusion, je pense que c'est le mot. Défaite 21-18, 21-12 pour Alex Lanier, qui a jamais vraiment semblé dans le coup, il était devant au premier set, là pour le coup il semblait dans le coup, il se fait rejoindre. Alors qu'il avait beaucoup d'avance, il n'existe pas vraiment dans le deuxième. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Bah, de toute façon, j'en parlerai pas mieux que ce qu'a fait Alex en conférence de presse. On était tous les deux assez hallucinés par sa lucidité d'analyse en sortie d'une énorme désillusion. On l'a vu, en fait, quand il sort du terrain, il est presque désolé d'avoir proposé ça au public français. Et nous, on est juste désolé pour lui, quoi. Et il a pas fait un bon match, il l'a dit lui-même. Wang Hongyang, en fait, quand il se retrouve mené, je sais plus, c'est 18-13 dans le premier, j'ai plus le score en tête, mais en gros Alex mène quand même de plusieurs points en fin de set, et Wang Hongyang change complètement de plan tactique, et Alex se retrouve un peu sans solution sur toute la suite du match, en plus de nombreuses fautes. Il le dira lui-même, il a pas réussi à s'adapter, il a subi les conditions de jeu de la salle. Nous, on trouvait aussi que peut-être il allait trop chercher le coup droit de Wang Hongyang avec des mauvaises trajectoires sur ses lobes. Il l'a aussi confirmé en zone mixte. C'est une énorme déception, évidemment. Wang Hongyang, c'est pas un peintre. Hein. Attention, il faut mettre du respect aussi sur le gars. Mais oui, Alex était favori. On l'attendait au moins en quart de finale pour affronter Shiyushi. Et il était, bien sûr qu'on est déçu, mais il est bien plus déçu que nous après sa perf. De son côté, Christophe Popov bat le joueur de Macao, puis au premier tour, 21-15, 21-16. Derrière, on attendait peut-être un test contre Enge Kalong, qui n'était pas tête de série, mais joueur toujours un peu piégeux, un habitué du circuit. Pas d'alerte pour Christophe Popov qui s'impose, 21-15, 21-16. Derrière, c'était une montagne qui se dressait face à lui avec Shiyushi, et le français s'incline malgré le gain du premier set 22-20. Derrière, il perd 21-13, 21-18. C'était très serré jusqu'à la fin. Il avait de l'avance dans ce troisième set. Le chinois est revenu pour finir par passer la ligne avant. Ambiance de fou furieux, Benoît, un des meilleurs matchs de la semaine dans ce tableau. Voilà, c'est le genre de match. Alors évidemment qu'on était pour Christo parce qu'il est français, mais j'avais envie qu'il n'y en ait aucun des deux qui perde parce que les deux, ils étaient vraiment excellents. Pas forcément tout le temps en même temps, mais parfois on a eu vraiment des coups incroyables. Christo a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à Shiyushi qui a vraiment pas semblé être très, très rassuré. Le truc avec Shiyushi, c'est qu'on ne peut pas le voir puisqu'il est toujours poker face dans les bons comme dans les mauvais moments sur ce genre de match. Mais Benoît, je vais te laisser en parler. Je pense que tu as beaucoup à dire parce que c'était vraiment un match incroyable. Et je pense que Christo peut sortir la tête haute malgré la défaite. Ouais, exceptionnel. Honnêtement, c'est le mot qui me vient. Même si c'était qu'un huitième de finale de championnat du monde, honnêtement, tu me demandes le meilleur match que j'ai vu cette semaine, tout tableau confondu. Je pense que c'est probablement celui-là, très honnêtement. Parce que j'ai vu deux mecs à leur prime, en tout cas à ce qu'ils ont montré de mieux dans leur carrière. Et comme tu l'as dit, j'avais envie qu'aucun des deux perde pour des raisons différentes, mais c'était presque dur de se dire que ça allait devoir se finir. On avait parlé, on avait comparé ce match, la perf de Christo, je me souviens, avec toi et avec d'autres, à ce qu'il avait fait aux Europes contre Axelsen. Moi, je trouve qu'on était pas loin de ça pour Christo. Alors, dans un autre registre, parce qu'aujourd'hui, Christo, il est devenu tellement fort qu'il a pas besoin d'attaquer à tout va comme il avait fait face à Axelsen, mais pour moi, il a sorti, je te l'ai dit, peut-être le meilleur match de sa carrière, si ce n'est un des meilleurs. Malheureusement, ça n'a pas suffi face à un mec qui était monstrueux, mais honnêtement, que ce soit dans le plan de jeu, la concentration, la constance, qu'est-ce que Christo peut se reprocher ou qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux en fait ? Vraiment pas grand-chose, c'est ce que on se disait ça aussi après le match, c'est Christo il a perdu, mais qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux ? Bah honnêtement je vois pas, peut-être que lui aura des mini regrets sur plein de trucs, mais il peut vraiment être fier de sa performance et je pense que s'il prend pas Shiyoshi aussitôt il peut vraiment aller plus loin parce qu'il semblait vraiment très en forme, pas une surprise hein, à l'image de ce qu'il a montré récemment Christo pardon. Et ouais, un gros match qui voilà, ça se joue sur quelques détails. Shiyoshi il a ce côté un peu insubmersible où ce genre de match il arrive à les gagner, à remonter même quand il a toute une salle contre lui, et même quand il a du retard au troisième set il arrive à grappiller. Enfin, franchement c'est vraiment impressionnant. De son côté, Thomas Junior Popov était à l'opposé dans le tableau et là lui il y avait une alerte dès le premier tour hein, puisqu'il affrontait Anthony Sunisuka Ginting qui n'était pas tête de série et qui était récemment revenu sur le circuit après une blessure qu'il avait tenue éloigné des terrains à un moment. Match remake du match des JO puisqu'il s'était affronté en poule que le français avait gagné et il a remis ça, Thomas Junior Popov, victoire 21-18, 19-21, 25-23. Voilà, Tommy qui a été sérieusement bougé dans ce match, surtout dans le troisième. Peut-être Benoît, il a été bon, hein, Tommy, mais Ginting aussi. Donc je dirais peut-être la victoire du plus frais, puisque Ginting a été pris de crampe en fin de match, notamment sur les deux derniers points. Les deux ont sauvé des voulants de match dans tous les sens. La salle était assez incandescente. Enfin, c'était encore un match incroyable. Peut-être pas le niveau du Christo Shiyoshi, mais en termes de dramaturgie, c'était encore au-dessus, je pense. En fait, il arrive dans la position un peu opposée des JO. Et là, c'était Tommy qui était favori. Et je sais pas si on peut dire qu'il s'en sort bien. Parce qu'il fait son match et tout, mais Ginting il a aussi remontré qu'il était capable de faire des choses. On l'avait pas vu jouer depuis son retour à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que c'est son niveau aussi, ça c'est une vraie question, mais en tout cas Tommy, j'ai envie de te dire, sans être le meilleur Tommy, il a fait le match qu'aurait dû faire Ginting au jeu l'année dernière. Après ouais, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que Ginting avec ce niveau-là, tu vois, ça revient dans le top 20-15 mondial, tu penses? Ah, le truc c'est que c'est oui, sur un match là il a l'air d'avoir du niveau top 20 voire top 15. Le problème ça va être de les enchaîner, tu vois, et bon là il avait sûrement fait une préparation axée là-dessus et tout. Va falloir voir si sur le circuit semaine après semaine il peut faire ce niveau là plus souvent. J'ai plus de mal à le croire, tu vois, peut-être un coup d'éclat de temps en temps, mais j'ai du mal, même après ce bon match là j'ai du mal à croire qu'on revoit le Ginting d'il y a 2 ans même. Il ne restera pas 70. Ça, on ne prend pas trop de risques en le disant. Mais... Non, là, je pense que tu peux le dire. Ouais. Derrière, alors, tour plus facile pour Tommy Popov qui bat le Sri Lankais Netasinghe 21-17, 21-9. On va parler plutôt de son match d'après, sa défaite contre Anders Antonsen en 8e de finale. 10-0 confrontation avant ce match, donc forcément on n'était pas spécialement ravis de voir ce tirage pour Tommy, de le voir affronter Antonsen en première tête de série. Et c'est une nouvelle défaite pour le Français qui s'incline 21-6, 20-22, 21-19. Un match en forme de montagne russe, un match complètement fou. Tommy qui voit pas le jour dans le premier. Et pendant toute une partie du deuxième, il a énormément de retard dans ce deuxième set. Il arrive à revenir et à le prendre. On ne sait pas trop d'où, 22-20. Le troisième est beaucoup plus accroché. Mais finalement, Antonsen arrive à se détacher un peu vers la fin et à conclure ce match 21-19. Benoît, un match complètement dingue. Ouais, complètement dingue. Et en fait, on a du mal à se dire que c'est uniquement du fait de Tommy. Même si évidemment il a haussé son niveau de jeu, ce qu'il n'a pas été capable de faire pendant, je crois qu'on peut le dire, mais 80% du premier et du deuxième set. Et ça a aussi été permis par une faillite inexplicable de Anders Antonsen, mais je serais très intéressé de t'entendre là-dessus aussi, parce que je pense que tu auras un avis. Le public, il a essayé de s'emballer à plein de reprises, mais c'était très compliqué. Et du coup, à la micro-opportunité en fin de deuxième, quand Tommy, on a vu qu'il revenait et tout, ça a fait que tout a été un peu décuplé en termes d'ambiance. Ouais, c'est sûr que... Enfin, c'est sûr que c'est Tommy qui est très costaud, parce qu'il faut arriver à domicile à ne pas sombrer dans un match comme ça où, bah, vraiment, tu prends une raclée, quoi. Donc, il faut arriver à ne pas sombrer. Mais c'est vrai qu'on se demande un peu... Enfin, alors, ben non, on s'est demandé ça plusieurs fois cette semaine, hein, ce qui se passe un peu dans la tête d'Anders Antonsen, parce que comment il peut ne pas conclure ce match-là en 2-7 ? Il l'a dit lui-même après, on l'a vu en zone mixte, il a dit qu'il avait... Qu'il avait fait n'importe quoi. Il reconnaissait que Tommy s'était accroché pour remonter, mais il se disait jamais je dois perdre ce deuxième set. Ben ouais, bah mais oui. Nous on aimerait bien avoir un peu plus d'explications, parce qu'il n'explique pas vraiment comment il fait. Donc voilà. Et après, Antonsen, il paraît meilleur que Tommy. Et au-delà de dire qu'il est meilleur, c'est qu'il sait parfaitement comment jouer le français. Il avait son plan de jeu qui était nickel, et je sais pas pourquoi il a pas réussi. Les conditions de jeu n'aident pas. C'est vrai qu'elles étaient changeantes tous les jours, donc ouais. ça a pas favorisé les joueurs. Mais là, franchement, c'est il y a pas d'explication rationnelle comme celle que tu viens de donner. Il était tellement devant et tout, le vent il s'est pas mis à tourner, tu vois. Le seul vent qui a tourné, c'est celui dans sa tête. Il s'est mis à. Il y a les hurlements là, quand il se retourne face à ses coachs et qu'il lâche des cris. En fait, tu sens qu'il est sur un fil même quand tout va bien, quoi. C'est assez ouf ce ouais, qu'on a vu. C'est ça. J'avoue que moi je le voyais bien faire finale, enfin aller le voir faire une bonne perf, pourquoi pas être champion du monde avant la semaine s'il haussait vraiment son niveau. À partir du moment où on a vu ce match là. Et on n'en a même pas encore parlé de la veille même contre Pranoy. Peut-être ouais, voilà, que c'est ça. La veille contre Pranoy où il passe 23-21 au troisième, il sauve deux volants de match. À partir du moment où on a vu ces deux matchs-là, je me suis dit, déjà, médaille de bronze, ce sera déjà très bien pour Antonsen, parce que je ne le voyais pas aller plus haut. Et pour revenir un peu sur Tommy Popov, il était forcément déçu, mais il arrivait aussi à avoir un peu du positif à l'issue de ce match. On va l'écouter tout de suite. Premier set, j'avais vraiment du mal à rentrer dedans. Je pense que les conditions étaient vraiment différentes hier. Je n'ai pas su m'adapter assez rapidement comme lui. Et ça s'est vu qu'il a mené tout le premier set, il m'a juste tué. Quoi. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de premier set. Jusqu'à 11-5 ou 11-6, je ne me rappelle plus, dans le deuxième, où à un moment donné, voilà quoi, fallait que j'y aille, j'avais de mon côté, et plus rien à perdre. Et je pense que j'ai réussi à rentrer dans mes volants, prendre des risques qui étaient plutôt optimistes, et le provoquer jusqu'à ce qu'il craque et je sauve un bon match, et je gagne 22-20 pour relancer mon set. Et je pense que ça a relancé le match et relancé le public. Et voilà, après le troisième, c'était coup pour coup, parce qu'il y en a quand même 17, je reviens 11-10. Et voilà, après, c'était ça se joue sur tout le détail. Je pense que voilà, avec des tirages aussi durs que ça, c'est compliqué de. Voilà, on avait mis la barre très haute et je pense que c'était normal. Après, perdre 28 au troisième contre numéro 1 et 29 au troisième contre numéro 2, je pense que pour notre team c'est parfait. Même si on aurait aimé passer bien sûr, mais je pense que voilà, on aurait aimé avoir ce quart tous les deux. Mais ça prouve qu'en termes de niveau on est là et on a hâte de rejouer sur les prochaines compétitions sur le World Tour. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les Français avant qu'on passe sur les autres têtes de série ? Alors, pas de quart de finale, donc évidemment pas de médaille. Les trois sont sortis en huitième. J'ai envie de dire, voilà, les frères Popov, Tommy le dit, ils prennent les têtes de série 1 et 2. Donc c'est forcément, on peut pas considérer leur bilan autrement. Je pense que voilà, la déception, elle est du côté d'Alex. Mais je dirais que le bilan global de nos trois Français n'est pas entièrement négatif. On a vu quand même des belles choses. Oui, on a vu énormément de belles choses. En fait, c'est la frustration de les voir s'arrêter tous au même stade pour diverses raisons. Parce qu'on a vibré notamment avec deux d'entre eux. Pour Alex, ça a été plus compliqué, c'est sûr. Mais c'est plus la frustration de se dire qu'il y en a au moins deux qui étaient quand même très très forts et qui peut-être auraient pu faire mieux. L'occasion de Paris, elle se représentera peut-être pas dans une carrière, probablement pas pour eux, et ils le savent. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Évidemment que je peux pas parler pour toi, mais moi je suis déçu au vu de ce qu'on a vu cette saison avec les trois gars. Ils sont 6, 7, 10 et 15 au ranking, donc évidemment que intimement on espérait tous en voir un monter sur la boîte. Ou oui, si on peut le dire, je crois. Donc mais ouais, je sais pas si toi t'es déçu ou si tu retires que du positif, enfin, ou tu préfères retirer le positif de cette semaine. J'avoue, je croyais pas trop à la médaille. Donc, je croyais pas trop à la médaille après avoir vu le tirage, surtout parce que tu vois, genre, après avoir vu le tirage, pour avoir médaille, Tommy aurait dû battre Antonsen et soit Christo, soit Alex auraient dû battre Shiyushi. Tu vois, donc, à partir du moment où j'avais vu ce tirage, bon, je me suis dit, on aura sûrement pas de médaille française. J'espérais quand même, évidemment. Mais voilà, je pense que j'ai hâte de les revoir sur des prochains tournois et des prochains mondiaux. Et là, j'ai vu que Tommy passait 13e mondial, ce qui fait qu'on a quand même 3 Français dans le top 13. Je crois que Alex et Christo ne changent pas de place, donc ils doivent rester 6 ou 7 pour Alex et 10 pour Christo. Mmh. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Ouais, ouais. Alors, pour les autres têtes de série qu'on n'a pas mentionnées, on a eu donc Wang Hongyang, je l'ai dit, qui a battu Alex, qui derrière a perdu contre Shiyushi, qui lui a laissé un set pour qu'il s'amuse un peu et qui a pris 21-10 au dernier. Benoît, on va parler des Chinois parce que, alors les Chinois, Wang Hongyang, alors Shiyushi, grosse réussite. Wang Hongyang, j'ai envie de dire grosse réussite parce qu'il va sortir Alex, derrière il perd contre un compatriote. Par contre, du côté de Li Shifeng et Lu Guangzu, il y en a des choses à dire dans les médias chinois, je pense. Heureusement, je pense que le fait que Shiyushi soit champion, ça va un peu peut-être les épargner, parce qu'on va plus parler de ça. Mais on ne doit pas être très content du côté de la CBA. Lu Guangzu qui passe un tour et qui, contre Jason T, mais en sauvant un volant de match, me semble-t-il, et qui passe donc un peu à l'arrache, et qui derrière perd contre Victor Lai, dont on va évidemment reparler. Mais Benoît, pour se concentrer sur les Chinois, restons d'abord sur lui et sur Li Shifeng qui perd au premier tour contre Yushi Tanaka malgré un statut de tête de série 4 en 3-7. Benoît, Lu Guangzu et surtout Li Shifeng, c'est vraiment deux grosses déceptions là. Ouais, oui, bien sûr. Li Shifeng, ça en est une énorme, mais il me semble que on n'est peut-être pas toujours bon, mais on avait dit attention à ce tirage. Ça n'a pas loupé le niveau de Li Shifeng. Waouh, waouh, waouh, waouh. Ce gars-là, il est tête de série. Moi, j'ai vu jouer des gars, au moins 5, 6, 7 gars non tête de série, meilleurs que lui sur ces championnats du monde. Pas à la hauteur de l'événement, pas à la hauteur globalement de cette saison et du classement qu'il a. On l'a déjà dit, on l'a répété, Lu Guangzu, tu le disais très justement, c'est que c'est peut-être le plus constant des deux, peut-être pas celui qui a le niveau de pointe le plus élevé, et pourtant il a lui aussi pas été vraiment au niveau de cette semaine. Je pense que j'arrive pas à capter, parce que quand tu vois le Shiyushi, tu peux pas te dire que la prépa chinoise elle a été mauvaise. Alors on sait pas est-ce qu'ils ont été blessés et tout, mais ouais, franchement, on parle de deux mecs qui étaient censés prendre la relève de Shiyushi, ou en tout cas le talonner. Moi, je suis très dubitatif sur ce qu'on a vu encore sur ces mondiaux, et je trouve que c'est que le révélateur de tout ce qu'on voit globalement sur la saison. Ouais, Benoît, moi je pense qu'ils étaient censés prendre la relève, où tu parles de prépa. Je pense que c'est juste que Shiyushi a un talent qu'on voit une fois sur un million. Alors ouais, peut-être moins clair. En Chine. Après, en Chine, il y a beaucoup de millions, donc ça aide aussi. mais je pense que c'est juste des joueurs très moyens, en fait. Je pense que Lu Guangzu, lui, il a toujours été moyen. Et je pense que Li Shifeng, c'est un joueur moyen plus, qui a eu une très très très bonne phase où il est notamment allé chercher le All England, mais qu'il faut pas c'est pas, je pense, un affront de dire ça. Wang Hongyang, alors lui c'est différent, c'est que c'est un joueur très très moyen qui une fois dans l'année se transforme dans le meilleur joueur que t'as jamais vu, donc c'est, mais voilà, globalement ça en fait des joueurs pas exceptionnels au niveau de la Chine. Et Wang Hongyang, c'est peut-être c'est vrai que j'ai pas parlé de lui, mais parce que en fait c'est peut-être celui en qui t'as envie de croire un peu le plus derrière les autres, parce que tu te dis que c'est peut-être lui qui, je sais pas, qui s'il trouvait un peu de constance serait un peu meilleur. Mais ouais, je suis d'accord que c'est, ouais, à part Shiyushi, les autres t'as pas envie de leur donner ton destin. Non, c'est clair. Enfin, Wang Hongyang, il est tellement moyen sur beaucoup beaucoup de tournois que j'ai du mal aussi à y croire. Benoît, il faut qu'on parle de Victor Lai, puisque je pense que beaucoup de gens qui écoutent cet épisode veulent qu'on en parle. C'est pour moi la surprise, tout tableau de confondu de ces mondiaux. Le Canadien, il était 50e tout pile, il me semble, au classement mondial avant cette semaine de mondiaux. Là, il va rentrer dans le top 40. Alors, il presse un premier tour facilement, mais derrière, il bat Lu Guangzhu, la tête de série 11 qu'on attendait absolument pas. 13-21, 21-12, 21-10. Il enchaîne avec une victoire contre le coréen Jeon Hyuk-jin, qui l'expédie 21-13, 21-17, 21-13. Derrière, un match accroché et très tendu contre Lo Kin-yu, où là, on se dit tous, bon, allez, Victor Lai, c'était sympa, mais il va pas quand même faire médaille aux mondiaux. Contre, eh ben, il élimine le vainqueur, le champion du monde 2021. 22-20, 21-18, un niveau de jeu incroyable. Et la surprise a failli perdurer contre Shiyushi. Il prend le premier set 21-13. Il a deux volants de match dans le deuxième. Il mène 20-18. Il perd le set 22-20, puis le troisième 21-16. Benoît, quelle affaire, quelle histoire il nous a fait, Victor Lai. Toute sa semaine a été incroyable. Et il a quand même passé à un point de renvoyer Shiyushi à la maison et de faire une finale mondiale. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'il nous a fait. Personne n'aurait pu parier là-dessus, même si. Tu vas le dire d'ailleurs, je vais te laisser en parler, il y a eu des petits signes avant-coureurs qui nous montraient que c'était pas un peintre, mais à ce niveau-là, franchement, voilà, j'ai plus les mots. Bah, même lui était surpris, il l'a dit. D'ailleurs, il a dit, ses entraîneurs ont dit, et lui aussi, oui, on fait une saison de fou. Quand on dit saison de fou, c'est que Victor Lai, il gagne quand même les Jeux Panaméricains en début de saison. Sur la tournée américaine, je sais que beaucoup n'ont pas suivi et nous, on l'a suivi à moitié, on va pas se mentir non plus. Mais ces résultats-là, je crois qu'il fait finale sur un, demi sur l'autre, donc US Open et Canada Open. Il bat notamment Kodai Naraoka, donc voilà les signes avant-coureurs. On s'était dit, quand même, Victor Lai, grosse saison, mais lui le premier, on parle d'une demi-finale mondiale où le gars, il a failli battre le meilleur joueur du monde cette année. Enfin, c'est absolument lunaire. Je vais pas dire que je suis content que ça se soit pas passé, parce que voilà, j'étais très heureux aussi de voir Shiyushi champion du monde, mais ce que Victor Lai a fait, quand le gars il te dit peut-être je vais me concentrer un peu plus sur le bad, mais par contre je reprends la fac la semaine prochaine. L'histoire elle est dingue, on aura l'occasion peut-être de se repencher dessus, d'en reparler plus en détail, mais il a aussi montré un niveau assez intéressant et je trouve, sans, alors peut-être qu'il a eu des moments de grâce où il était dans la zone, mais je trouve que c'est pas un gars qui a surjoué son jeu, tu vois. Il y a une base qui me fait dire que, je dis pas qu'il sera top 5 mondial, c'est pas ça, mais il y a une base qui me fait dire qu'il peut au moins s'installer sur les plus gros tournois majeurs du circuit. Oui, ben non, on l'a pas encore dit, il n'a que 20 ans, il est même un peu, il est un poil plus vieux que Alex Lanier de quelques mois, mais c'est, voilà, on va dire la même génération, donc ça, effectivement, ça laisse rêveur. Évidemment, sa carrière, ça va pas être une ligne droite, personne n'a ce genre de carrière, il faudra lui donner du temps, c'est pas maintenant qu'il va faire finale, faire demi sur tous les gros tournois, là, il commence seulement à y rentrer, mais évidemment, c'est un mec qu'on a envie de voir parce que ouais, je suis très très curieux. Et maintenant, Benoît, la question ça va être comment il digère ça. Tu l'as dit, en plus il est même pas à fond sur le bad parce qu'il est encore en études. Ça va être comment il digère ça et à quelle place il s'installe sur le circuit. C'est intéressant qu'il batte Lo Kin-yu parce que le parallèle il est tout trouvé avec Lo Kin-yu qui avait même pas fait médaille. Lui il avait gagné en 2021, il partait de plus haut aussi. Un ranking à poil plus élevé, mais pareil, ça sortait vraiment de nulle part. Derrière, Lo Kin-yu, il a réussi à se stabiliser, on va dire, dans le top 10. Il gagne quand même très peu de titres. Qu'est-ce que tu vois comme, même si c'est très difficile à dire, comme suite dur de carrière potentielle pour le Canadien? C'est très dur parce que Lo Kin-yu, il était, tu l'as dit, déjà plus haut. Alors même si ça sortait de nulle part et qu'il bat Axel Sen et tout, le niveau, on l'a jamais revu jouer à ce niveau-là. Mais c'est dur, je saurais pas te dire. Est-ce que si déjà il s'installe dans le top 20 mondial, tu vois, bah là, j'ai pas le. Peut-être t'as l'actualisation du classement, j'avais dit qu'il serait à peu près autour du top 35, mais c'était des calculs à la va-vite, donc je sais pas. Mais ouais, s'il s'installe autour de top 25, top 20, ce serait déjà pas mal. Et voilà, après, j'imagine qu'il y a des sujets d'argent, de sponsors et tout. Mais on peut imaginer que déjà, s'il rentre sur les plus gros tournois majeurs, il sera capable de gagner quelques matchs par-ci par-là qui lui permettront d'atteindre ce classement. Ça te semble possible, toi? Ouais, Ouais, c'est clair. Bah, en tout cas, j'ai hâte de voir. C'est vrai que c'était un peu une question piège ce que je t'ai dit, parce que moi-même j'ai du mal à voir, j'ai du mal à voir ce que ça va donner. Mais voilà, et on l'a pas encore dit, me semble, mais première médaille du Canada au championnat du monde de badminton dans n'importe quel tableau. Donc il a écrit l'histoire de son pays. Il avait lui-même pas l'air de réaliser ce qu'il avait fait. Toute la salle le poussait sur tous ses matchs, et même quand il est monté sur le podium à la fin, c'était très très beau. C'est la belle histoire évidemment de ces championnats du monde. Et Benoît, pour conclure sur le simple homme, de qui tu veux parler? On n'a pas mentionné Christy, qui fait quart de finale perdu contre Vititsarn. Vititsarn qui avait battu un autre Indonésien au tour d'avant, Farhan, où il avait vraiment galéré, 22-20 au troisième. Il n'a pas semblé vraiment serein, Vititsarn face à Farhan, que lui aussi on va beaucoup revoir. Et est-ce que tu veux dire aussi un mot de Xu Tianchen, qui a perdu en quart de finale contre Anders Antonsen? Je t'écoute. Que Xu Tianchen, en vrai, il fait encore ses mondiaux. Honnêtement, on y a un peu cru face à Antonsen. Maintenant, en fait, pour moi, il est à sa place, Xu Tianchen. Et si, ce que je voulais dire, c'est quand même que j'avais noté 2-3 stats, donc je vais te les donner et je vais te laisser réagir dessus. Mais le titre de Xi Yuxi, il vient 10 ans après le dernier titre chinois. Alors que avant le titre de Chenlong, on était sur 8 titres chinois consécutifs. Et sur les 5 dernières éditions, t'en as 3 sans aucune médaille chinoise en simple homme. Quand même, il y a une disette. Hein. Ah, c'est quand même assez terrible. C'est intéressant parce que ça montre aussi qu'à part Xi Yuxi, il y a quand même un petit creux générationnel par rapport à ce qu'il y avait avant. Enfin, je pense que par rapport à Xi Yuxi, Lindan était quand même beaucoup mieux entouré, notamment par Chenlong qui a bien pris la relève pendant un temps. On file vers le dernier tableau, le double homme. Dieu dit, Adam. Le double homme et la victoire, j'ai envie de dire sans surprise, de Kim Seo. C'était les grands favoris de ce tableau, même s'ils restaient sur, j'allais dire, une défaite. Oui, forcément, une défaite au China Open, qui est le seul Super 1000 qu'ils n'ont pas remporté cette saison. Ils avaient les 3 autres. Ils sont désormais champions du monde. Seo était tenant du titre avec Kang. Il remporte donc avec un deuxième partenaire. Victoire 21-17, 21-12 contre les Chinois Chen Liu, qui, eux, on ne les attendait pas là. Benoît, sur le match, je pense que je pourrais le résumer comme ça. Dans le premier set, ça fait 17-14 pour les Chinois. Ils s'inclinent 21-17. Et dans le deuxième, ils prennent à 8-0 au début. Ce qui fait que les Coréens ont marqué 15 points d'affilée. C'est assez incroyable et ça résume bien la mainmise qu'ont Kim et Seo sur ce tableau de double homme. Ça résume assez bien des exemples. Je pense que je vais pouvoir t'en trouver 2 ou 3 autres cette semaine. une rare impression de domination. Alors, est-ce que les autres sont nuls? Je crois pas, honnêtement. Mais une rare impression de domination comme celle-là. Il y a Han Se-young un peu. Mais là, on est sur cette semaine de championnat du monde, on est vraiment sur un autre step avec Kim Seo. Je crois que Seo, j'ai un peu checké, mais c'est le premier mec qui conserve son titre avec un partenaire différent en double homme. Donc déjà, c'est pas rien. Et surtout, le niveau des deux, on en parlait déjà au tout début de la paire, mais le fit, il est... Waouh, il est assez dingue. Même le niveau de Kim Wono, il est tellement élevé sur ces championnats du monde et globalement. Et je me souviens que même au début de la semaine, on s'est dit « Ah, parfois, ils sont un peu moyens, mais en fait, il y a une telle marge quand ils élèvent un peu leur niveau. » Je sais pas quoi dire à part impressionné par cette domination. Ouais, Benoît, et aussi impressionné par cette domination et aussi peut-être, on va en reparler, mais... le fait qu'aucune des autres paires qui devraient, on va dire, les concurrencer, toutes les paires qui ont eu des bonnes périodes dans leur carrière, personne n'a vraiment réussi à mettre tous les ingrédients cette semaine, j'ai trouvé, à part eux. Carrément, il y en a qui n'ont pas mis les ingrédients, pas réussi à les mettre, il y en a qui les ont mis pendant un set et qui après ont marqué 13 points en cumulé sur les deux autres. Il y en a qui ont pas voulu les mettre. Astrup Rasmussen, on a été assez déçus. Enfin, honnêtement, à l'attitude dans une demi-finale mondiale, on se le disait globalement, je pense que c'était un avis partagé par les gens dans le public. Perdre, c'est une chose, tomber contre trop fort, c'est une chose, mais en demi-finale mondiale, tu peux pas baisser les bras comme ils ont fait, je trouve. C'est clair, 21-12, 21-3 pour Kim Seo contre Astrup Rasmussen. Mais on va rester un peu sur les têtes de série parce que je trouve que même celles qui n'ont pas affronté Kim Seo ont ont pas forcément voilà, ont été un peu décevantes. Benoît, on peut commencer par les têtes de série 2, Chia et So, qui se font sérieusement bouger dans leur deuxième match contre leurs compatriotes Arif Yap, qui ont eu un volant de match, j'allais dire inratable, mais pas vraiment puisqu'ils l'ont raté. 26-24 pour Chiasso au troisième set contre leurs compatriotes. Derrière, ils se font sortir, allez, je vais pas dire sans combattre, mais de manière assez décevante contre Rankire Dichetti, 21-12, 21-19, contre qui ils avaient pourtant un head-to-head largement favorable. Est-ce que moi je veux pas leur taper dessus outre mesure parce qu'ils ont pas été nuls, mais quand même très décevant quand on voit le niveau qu'ils avaient il y a encore quelques mois, niveau qui les avait d'ailleurs qui leur avait permis de battre Kim et Seo. Donc c'est dommage que là ils aient pas réussi à le remettre au bon moment, quoi. Ouais, c'est un peu, ouais, je pense que c'est le mot, c'est frustrant, parce que moi je pensais que ça pouvait arriver cette semaine. En fait, globalement, c'est là où je trouve que le mot faillite que tu as choisi, je l'avais pas analysé comme ça, mais tu as des mecs qui ont failli. On va parler de Rankire Dichetti aussi, mais évidemment, ouais, en fait, tu as l'impression qu'ils se sont un peu tous sabotés là où bah il y avait pas besoin pour Kim Seo, quoi. Rankire Dichetti, je savais pas trop ce que ça allait être leur niveau, mais ils avaient gagné à l'Adidas Arena le test event IFB, donc on pouvait penser que c'était des conditions qui leur seraient favorables. Et c'est ce qu'on a longtemps pensé. Ils passent un premier tour, puis un deuxième tour puisqu'ils n'ont pas joué le premier, puis un troisième contre Liang Wang, que je sais que toi tu attendais aussi fort cette semaine, mais match remporté par les Indiens 19-21, 21-15, 21-17. Finalement, Rankire Dichetti, ils paraissent favorables en demi-finale contre les Chinois Chen Liu, et finalement ils s'inclinent 21-19, 18-21, 21-12 avec un début de troisième set assez catastrophique et très mal géré. C'est vrai que Benoît, ce genre de match pour une paire voilà, qui a déjà été médaillée, j'allais dire médaille de bronze, pour eux c'était déjà bien, c'était pas mal il y a 3 ans à Tokyo. Là, on pouvait peut-être attendre autre chose, et c'est eux aussi dont je parlais, c'est que, ok, c'est pas catastrophique comme semaine, mais là, t'avais la belle opportunité d'aller en finale, et au pire, tu perds contre Kim Seo, mais au moins, ta médaille d'argent. Là, ils peuvent avoir des regrets, les Indiens. Bah ouais, c'est là que je dis que toutes les paires se sont un peu sabotées elles-mêmes, c'est que ils auraient perdu contre Liang Wang, j'en ferais pas la même analyse, tu vois, presque, mais là, c'est ce que t'as dit, t'as perdu, alors que t'as pas grand-chose à... J'ai envie de dire à perdre, tu fais déjà médaille, alors que bah, on l'a bien senti, pour eux c'était plus qu'un soulagement. Je dirais pas que c'était inespéré, parce qu'on les mettait en prétendant à la médaille, mais en fait les Chinois ils ont été bons, hein, bien sûr, mais c'est surtout la gestion de Rankire Dichetti qui pose question, et du mal à comprendre ce début de troisième set, la stratégie adoptée et tout. Enfin, ouais, ils se sont sabotés, quoi. J'ai pas d'autres mots, et ils se sont sabotés au moment où on imaginait que c'était pas vraiment possible. De leur côté, les têtes de série 4, Alfian Argento, tu vas me dire ce que t'en as pensé, mais déjà, dès leur premier match contre les Hongkongais, pourtant plus faibles sur le papier, Hung lui, ça a été compliqué, ils passent 22-20 au troisième. Derrière, ils perdent contre Oki Kobayashi en 3-7, qui perdent eux-mêmes en 3-7 contre Asrup Rasmussen. Qu'est-ce que tu as pensé des Indonésiens, et aussi, si tu veux dire un mot sur les Japonais, tu es évidemment le bienvenu. Ouais, sur les Japonais, je suis assez content de les avoir vus à ce niveau-là. Maintenant, c'est pas leur niveau prime champion du monde, ça, on est bien d'accord. Alfian Argento, je peux dire ce qu'on s'est dit, parce qu'on récupère quelques photos pendant les IFB, pendant les mondiaux, pardon pour le lapsus. Et on s'est dit, vas-y, on n'en prend pas des masses, parce qu'on n'est pas sûr que la paire elle dure encore très longtemps. Donc je pense que ça en dit long sur notre avis. Ils sont très loin de ce qu'ils ont été capables de produire, honnêtement. Ouais, on a l'impression qu'ils sont vraiment au bout du bout de ce qu'ils ont pu donner dans leur partenariat. Je sais pas si l'Indonésie fait... Bon, alors là, ils avaient les points et tout pour aller au monde en étant en tête de série triote, mais on peut se poser la question de savoir si c'est encore une bonne idée d'insister. Benoît, ça fait un peu mal de voir que Fikri, qui a gagné le China Open avec Alfian il y a à peine un mois, là, il est à la maison, quoi. Enfin, c'est terrible de se dire ça, quand même, alors que ça semble être un des meilleurs joueurs indonésiens du moment, mais même depuis un moment maintenant. Ça fait un peu mal de se dire qu'il a même pas participé à cette compétition, quoi. Surtout que leurs compatriotes Gautama et Sfahani ont été assez décevants aussi, puisqu'ils s'inclinent contre Kjær Søgaard, les Danois, dès le deuxième tour, dès leur premier match, 26-24 au troisième. Pour le coup, ça nous a donné pourtant un très grand match avec de la dramaturgie à la fin. Voilà, Kjær Søgaard qui se sont eux-mêmes inclinés contre Chen Liu. Benoît, autre déception, on n'en a même pas encore parlé, tête de série 3 et éphémère numéro 1 mondiaux il y a quelques mois, Go Izudin qui perdent contre Li et Yang en huitième de finale, 23-21 au troisième. Il y avait quand même des signes annonciateurs, hein, Benoît, quand tu les vois galérer contre Chen Smith, les Américains, au tour d'avant, en lâchant un set et en étant pas loin de perdre le troisième, tu te dis, oulala, ils vont peut-être pas aller au bout, ceux-là. Voilà, c'est aussi deux dont je parle, c'est vraiment... à part Kim Seo, et je sais pas si je l'ai dit, mais que j'ai même pas trouvé à leur meilleur niveau ever en double homme, c'était un peu personne ne les voulait, ces médailles, j'ai l'impression. Ouais, Go Izudin, ils font partie des plus décevants, parce que déjà contre les Américains, nous on était devant le match et c'est une des soirées, je crois, où on s'est le plus régalé, alors qu'on l'imaginait pas, il me semble, les Américains qui, franchement, je sais pas si on peut dire qu'ils méritaient de gagner plus que Go Izudin, mais ouais, Go Izudin complètement à côté de leur pompe. Et oui, voilà, une paire malaisienne donc qui a créé la surprise là, pour le coup, c'est Arif Yap qui bat Kedren Puavaranoukro, très décevant, les Thaïlandais, dès leur premier match. Et Benoît, du coup, je crois que des gens en parlaient dans le Discord, assez fou de voir que sur le podium il y a 4 paires, il y a aucune malaisienne et aucune indonésienne, alors que c'est des paires qui dominent le circuit, quoi. Il y a certains pays où la gueule de bois du lundi matin a dû être assez dure. Enfin, normalement, la gueule de bois, c'est pas le lundi matin, j'espère, mais pour ces paires-là, c'est ça. Ouais. C'est clair que ça a pas dû être très sympa à gérer. Indonésienne, maintenant, c'est plus la... Je crois que c'est... Je sais plus. C'est au moins la deuxième édition consécutive que ça arrive, mais il me semble qu'il y en avait eu une aussi un peu avant. En 2021, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Parlons des Français, Benoît, les frères Popov qui battent les Australiens Edison Yu dès le premier tour, 21-12, 21-17, et derrière qui s'incline face aux Malaisiens, encore une fois, Man Thiel, les têtes de série 7, 15-21, 21-15, 13-21, 21-19. Benoît, là, pareil, un grand match, enfin pas un grand match forcément en termes de niveau, mais en termes de dramaturgie, les Popov nous ont vraiment régalé. Ils passent vraiment à pas grand chose. C'est ce genre de match, ils en gagnent parfois, mais ils en perdent vraiment beaucoup. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que cette paire de doubles, elle a énormément progressé. Et moi qui pensais que ça ne continuerait pas après les jeux et qu'il appelait un peu de mes voeux, bah là, force est de constater que, on ne sait pas si ça leur a coûté physiquement pour le simple, mais force est de constater qu'ils ont vraiment quelque chose et que là, ils passent pas loin de sortir une tête de série. Oui, et je dois dire que j'y ai longtemps cru pendant le match. Une légère frustration que ça paye pas sur ces championnats du monde, parce que la progression, tu l'as dit, elle est là. Maintenant, ils sont capables de rivaliser avec des top paires mondiales, des vraies paires de doubles. À chaque fois, on disait, ouais, dès que c'est des vraies paires de doubles installées, je mets vrai entre guillemets, mais vous l'aurez compris, c'est du top 15 mondial. On disait, ouais, bah, c'est toujours pareil. Non, c'est plus du tout toujours pareil. Honnêtement, ils ont fait un vrai match contre Manti. Est-ce qu'on est content aussi qu'ils s'en sortent pas, je sais pas, pour laisser un peu d'influx dans le simple. Au final, la défaite, ça les a peut-être encore moins aidés, parce que tu sais que t'as laissé des plumes physiques et en plus t'as perdu le match. Maintenant, ils nous ont autant régalé en double qu'en simple, et ça, je pensais pas que ça pourrait arriver un jour sur des championnats du monde. Éloi Adam et Léo Rossi affrontaient les Anglais Easton Green au premier tour dans un match a priori assez équilibré sur le papier, très bien géré de leur part, victoire 21-17, 21-14. Derrière, la chute a été lourde contre Carnando Molana. Moi, j'attendais une défaite française, mais un match assez spectaculaire, un peu serré. Ils se sont fait un peu étrier par les têtes de série 10, 21-8, 21-9. Ils n'ont rien pu faire, mais au-delà de ça, c'est surtout qu'on les a semblés très tendus et ne jamais parvenir à rentrer dans leur match. Benoît, c'est pas honteux de perdre contre Carnando Molana, mais de cette manière, ça ternit forcément le bilan. Ouais, c'est dur parce que parce que je pense qu'en termes de perf française, c'est peut-être la plus terrible de la semaine, parce qu'en fait ils ont jamais, même eux, je pense pas qu'ils soient sortis du terrain. On a malheureusement pas été les écouter en zone mix, mais ils ont pas pris de plaisir à emballer le truc, à profiter un peu de la salle et tout. C'est ça qui est un peu triste, c'est que ouais, ils sont passés à côté de leur match, et il y en a pas eu beaucoup, voire pas du tout, des Français qui ont fait ça cette semaine. Et je suis un peu deg que ça leur arrive à eux, parce que je pense qu'ils avaient, moi je pensais que ça pouvait être comme toi un match un peu spectaculaire, et ça l'a pas du tout été. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le double homme, Benoît? J'ai pas mentionné Kim, j'ai pas mentionné Lane Vendy, j'ai pas mentionné Chu Wang dans les paires. Là, je te parle que des paires têtes de série. Donc, si tu veux en dire un mot, c'est le moment. Non, c'est pas spécialement. On a parlé quand même de pas mal de trucs. C'est un peu dommage, parce que ce tableau il promettait. Alors peut-être derrière Kim Seo, au final. On a eu quelques bons matchs, mais pas autant que ce qu'on aurait aimé. C'est vrai, je te rejoins carrément là-dessus. Benoît, il va être l'heure de conclure cet épisode. Je sais pas trop quoi dire, à part que c'était une semaine un peu de rêve pour nous. En tout cas, on a vu des excellents matchs, c'était trop bien. Et peut-être, Benoît, dire qu'on a rencontré énormément d'entre vous, plus que ce que je pensais, mais visiblement, on est quelques personnes nous écoutent, et on était trop contents de. Personnellement, j'ai pas pu voir tout le monde, et je le regrette un peu, mais de vous rencontrer, de parler avec vous, de découvrir un peu ce que vous faisiez, où vous jouez. J'ai vraiment adoré vous parler à toutes et à toutes. C'était vraiment trop bien, et je pense que toi aussi, Benoît. Ouais, c'était un beau message de fin, je trouve. Je sais qu'il y en a hier, malheureusement, je dis hier parce qu'on finit de tourner lundi. On a commencé le tournage hier, mais on finit de tourner lundi. Il y en a qu'après les finales, ça a été trop compliqué de voir. Vous nous excuserez pour ça. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Effectivement, on a déjà vu, on a vu beaucoup de monde cette semaine, et ça, c'était toujours très cool de pouvoir parler de BAD et de voir que beaucoup sont passionnés. Voilà, et vous remercier aussi de nous écouter. Ça fait maintenant 5 ans qu'on fait ce podcast, et si on peut être accrédité sur des événements tels que les mondiaux, c'est parce que y a des gens qui nous écoutent. Donc c'est un peu grâce à vous aussi qu'on est là. C'est aussi grâce à nous, on va pas se mentir, mais grâce à vous qu'on est là. Donc vous nous donnez un peu l'opportunité de faire tout ça, et je peux vous dire que quand on sort d'événements comme ça avec Benoît, on est un peu rincé, mais ça nous donne juste encore plus la flamme de le refaire. Et on traînait dans un petit meeting organisé par la BWF à côté de journalistes qui, eux, font tout le circuit toute l'année. Je peux vous dire que nous, on avait des étoiles dans les yeux. Tout ce qu'on a envie, c'est de faire la même chose. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais on y travaille. Voilà, merci encore à vous. Et merci à vous d'avoir tenu la longueur de cet épisode aussi. On l'a enregistré sur 24 heures. Il n'est pas aussi long que 24 heures, mais pas loin. Merci, Benoît, d'avoir passé cette excellente semaine avec moi. Et malgré un retour à Toulouse assez... difficile en termes de sommeil, d'être revenu le lundi pour faire cet épisode avec moi. Ah, merci à toi aussi pour la semaine, c'était assez incroyable. Merci à vous aussi pour vos écoutes et de nous permettre de vivre ça aussi. Là, c'est la mauvaise nouvelle maintenant, pas d'épisode la semaine prochaine. On a besoin d'un peu de repos, mais surtout aussi on travaille sur des gros projets qui vont arriver sur la chaîne bientôt, j'espère. Donc voilà, petite pause la semaine prochaine, pas d'épisode lundi. On se revoit dans 2 semaines, ce sera le débrief du Hong Kong Open, parce que pour les joueurs et les joueuses, pas beaucoup de répit, ça recommence dans 2 semaines, ça recommence dans même une grosse semaine, et nous on sera là pour débriefer tout ça. À la prochaine. When I am down and hold my soul so weary, when troubles come and my heart puts empty, then I am still and wait here in the silence until you come and say promises. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.